que tu vois, avant d'être réellement en Christ, quand j'ai vu Alexia, je l'ai baptisée quand elle a 7 mois. Et donc, naturellement, elle a eu une marraine, un parent, mais ils ne croient pas aux dieux. Mais bon, ils ont accepté, non? Mais maintenant que. Dieu en Christ. Voilà. Oui. J'ai compris que c'était pas vrai. Il ne faut pas baptiser les enfants quand ils sont bébés. Ils sont conscients, ils acceptent. Mange d'abord. Attends, mange d'abord. Cache d'abord ça, on finit. Oui. Voilà. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il en est alors. Est-ce que. Mais quand tu t'es rendu compte que ce n'était pas bon d'après la Bible, qu'est-ce que tu as fait? Tu as demandé pardon à Dieu, non? Oui, oui. Ça, oui. Ça règle le problème. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc tu veux encore la baptiser maintenant? Non. Ben mais non. Quand tu as demandé pardon, c'était. Ben, le problème, c'est que maintenant, elle a des parents. Un parent, une fout. Marraine. On s'en fout de ça. Ce sont des traditions, donc. Oui. Quand ce sont des traditions, donc, on s'en fout des traditions. Donc, quand on marche d'après Dieu, on marche d'après Dieu. D'accord? Il y a des choses que on nous a fixées, on nous a mis comme ça par tradition. Oui. On dit, voici ton mari, voici ton mari. Oh, la Bible dit qu'on ne doit pas baptiser les enfants. Oui. On doit baptiser les gens qui sont conscients. Conscients. Ils se repentent de leurs péchés, ils se baptisent. Il n'y a pas de marraine dans la Bible, il n'y a pas, vous appelez ça, catéchisme pour le baptême, il n'y a pas la Bible blanche pour le baptême, il n'y a pas la carte de baptême. Il n'y en a pas, ce sont des traditions, donc. Et Jésus a posé la question aux pharisiens dans Marc, chapitre 7. Pourquoi abandonnez-vous les paroles de Dieu au profit de vos traditions? Il faut que les questions soient répondues par quiconque. C'est-à-dire que la question que je vais poser à toute personne qui fait des choses qui sont faites dans la Bible, en faisant des choses qu'ils ont dites comme étant les règles, pourquoi vous laissez la parole de Dieu? Vous faites vos règles. Les règles-là viennent d'où? Il faut que la question soit répondue. Et donc, quand quelqu'un en prend position pour les choses de Dieu, l'une des choses qu'on avait faites là-bas, c'est les disciples manger sans se laver les mains. Les pharisiens ont commencé à demander, pourquoi tes disciples, eux, ils mangent sans se laver les mains? Parce qu'on dit donc que les disciples des pharisiens, au-delà, quand ils rentrent dans le lieu public, ils se lavent en mangeant, ils lavent les mains, ils ont le nettoyage, les coupes et autres, les traditions qu'ils ont poussées. C'est là où Jésus a posé la question. Et vous, pourquoi vous aussi? Ils sont de vouloir fixer les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ils mangent sans se laver les mains comme les anciens ont décidé? Il dit que vous, pourquoi vous aussi vous laissez la parole de Dieu au profit de vos commandements? Après, il leur explique donc en réalité, Isaïe a profité à leur sujet que c'est en vain qu'ils m'honorent de l'air, mais les commandements qu'ils observent sont les commandements d'homme. En fait, tu as observé les commandements d'homme. Tu as observé les commandements d'homme, n'est-ce pas? Alors, dans ces cas, tu baptises les enfants, tu baptises celui-ci. Ah ben non. Mais tu as dit que tu as observé les commandements d'homme. Non, j'avais pas compris ça comme ça. J'avais observé les commandements d'hommes. Non, mais il y a une veux-tu observer? Ah, d'accord, pardon, j'ai entendu. Parce qu'on a deux voix, soit observer ce que les hommes ont dit, soit observer ce que le Seigneur a dit. Moi, je suppose ce que le Seigneur a dit. Même ça ne plaît pas à des êtres humains. Parce qu'en réalité, en fin de compte, les êtres humains passent, c'est Dieu qui va me juger. Il va me juger en fonction de ce que j'aurais fait de sa parole. Pas, un homme ne sera pas là pour me défendre. C'est sûr. Tu vois ça? Et si un homme ne sera pas là pour me défendre, définitivement, je ne lui fais pas confiance. Je fais confiance à Dieu qui a prescrit ses commandements. Amen. Amen. Bonjour. Amen. Venez. On commence. On commence. Que Dieu, notre Père, vous bénisse. Alors, comment on va aller aux eaux de baptême? C'est mieux qu'on fasse vite. Parce que la grande question qu'on reporte à la grande question qu'on s'est posée la première partie hier. D'accord? On peut prier maintenant. Amen. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bienveillance dans cette merveilleuse ville d'Oberhammstein. Nous te rendons grâce, Père de gloire, ici en Allemagne, pour le climat que tu donnes, afin que nous puissions, ô Dieu, étudier ta parole. Merci pour les sœurs ici réunies. Merci pour les frères. Merci, Père de gloire, pour ta parole. Merci pour la deuxième partie de cette parole que nous avons commencée hier. Merci pour tes explications. Merci pour la délivrance de ton peuple. Merci pour les bienfaits, les faveurs que tu répands sur ton peuple tout au long de ce continent. Que ton nom soit élevé, Père, alors que nous observons ta parole maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Hier, nous avons vu quelque chose de grand en commençant dans l'œuvre des Actes des Apôtres. Nous avons vu effectivement que Dieu parle par les circonstances. Et le vrai problème avec nous, en nous questionnant dans. Je crois que ce serait bien que tu t'assieds ici. En suivant hier, nous voyons effectivement. Regarde ce qu'à porte, tu t'assois. Ou bien tu peux t'asseoir ici, ce serait bien comme ça. Alors la Bible, tu peux s'asseoir ici. Tu vois, elle essaie de chercher n'importe quelle excuse pour s'asseoir là-bas. Elle dit que c'est parce que. Oh, la chaise peut se déplacer jusqu'ici. Elle dit là, il faut que la Bible soit sur la table. Oh, la Bible peut être sur la table, c'est ça, non? Où t'as vu toi, ma soeur? Où t'as vu toi? Comme tu sors du pays, tu veux que tu ailles là-bas. Alors, donc, nous avons commencé, je vais commencer par dire, parle-moi, vous avez commencé à parler. Je vais vous rafraîchir la mémoire pour que vous sachiez de où on a commencé, où est-ce qu'on a terminé avant de savoir où on est allé, n'est-ce pas? On a commencé, je vous ai demandé, parle-moi. Vous avez commencé, tu m'as donné une histoire, elle a dit qu'elle n'a rien dit, lui aussi, elle a dit qu'elle n'a rien dit. Puis j'ai dit, parle à celui qui est là-bas, elle a dit merci Seigneur. Oh, il n'y a personne à ma gauche, il n'y a personne à ma droite. Celle-ci dit, et tu remercies Seigneur. Il dit, pourquoi vous dites à la, je dis, il y a le vide ici. Il dit, dites à celui qui, dites quelque chose à celui qui est là, vous dites merci Seigneur. Je pose la question, comment savez-vous qu'il y a le Seigneur là-bas? Oh, il y a les démons, il y a possibilité qu'il y ait des démons. Alors je commence à poser la question, si vous continuez à parler à quelqu'un, personne ne réagit pas, qu'est-ce que vous allez faire? Naturellement, vous allez vous lasser. Ou bien vous allez interrompre la conversation, ou bien vous aurez des interrogations vis-à-vis de cette personne à qui vous adressez chaque fois et la personne ne répond pas. Alors nous avons diagnostiqué que ça, c'est l'état de la majorité des chrétiens maintenant. Il parle à Dieu, il n'a jamais de réponse. Donc, ce n'est pas une communication. Quel est le vrai problème? Le diagnostic nous a conduit à comprendre qu'en réalité, c'est parce qu'on a entraîné les gens à venir chez Dieu pour les problèmes. À cause des problèmes qu'ils ont, on vient chez Dieu à nous. Or, Dieu ne veut pas cela. Les problèmes sont les petites choses dans la vie des gens. Vous voyez? Et les problèmes seront toujours là. Dieu veut la communion. Dieu veut l'intimité. Dieu veut le cœur de la personne. Or, les gens vont aller dans les assemblées, on va leur dire que tu vas te marier. Tu vas voyager. Tu auras des contrats. La personne vient en vertu de cela. Quand tu auras ton billet de voyage, viens de me donner le 10 000. C'est que la personne est entraînée à ce que s'il y a des problèmes, il cherche un prophète. Si il y a un problème, il cherche tes choses, la personne est entraînée ainsi. Vous voyez? Alors, il faut venir à Dieu pour ce qu'il est. Vous allez remarquer que tous les disciples, sans exception, venaient à Jésus. Que je dis, mais quand j'ai appelé les apôtres du haut là-bas, l'apôtre Pierre l'appelait l'apôtre Pierre, l'apôtre Pierre ne se battait pas pour avoir. Il avait son travail. Il pêchait pour nourrir sa famille. Il est venu, il a dit, lève-toi, suis-moi. Il s'est levé, il a commencé à le suivre. Je ne sais pas si vous comprenez. Il allait voir Matthieu, il a dit, Matthieu était de compte, était au péager. C'était péager. Il a dit, suis-moi, il a abandonné l'argent pour le suivre. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Luc, chapitre 14, à partir du verset 25, la Bible déclare que les grandes foules faisaient route avec Jésus-Christ. Jésus se tournant derrière lui, il a dit, si quelqu'un veut venir à moi et qu'il ne hait pas son père, sa mère, sa soeur, ses enfants, ses terres, ses maisons et autres, et même sa propre vie, il peut être mon disciple. Jésus-Christ finit au verset 33 et 34 en disant que, ainsi donc, quiconque ne hait pas sa propre vie, si quelqu'un ne hait pas sa propre vie, il ne peut être son disciple. Alors, être disciple du Seigneur Jésus, ça veut dire qu'il y a une rupture entre les choses du passé pour s'attacher à lui et n'obéir qu'à lui, à sa voix. Manifestement, les gens sont en train de donner l'ordre à Dieu. Seigneur, tu dois me faire comme ça. Tu dois bénir ma famille. Seigneur, tu dois bénir, tu dois me donner le travail. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu souffre. On donne les ultimatums à Dieu. Voilà comment on fait. En pointant le tronc. Comme ça. En pointant le tronc. Que si tu ne fais pas ça, je vais encore aller pécher. Si tu pêches comme ça, ça enlève des devant Dieu. Si vous pêchez comme ça, si on vit comme ça, on ne peut pas pêcher. Ça enlève des. Non. Et même si tu enlèves des ici sur la terre, il n'est pas Dieu pourtant. Il est Dieu pourtant, n'est-ce pas? Alors nous sommes allés, par exemple, pour voir donc comment Dieu parlait aux hommes. Le Saint-Esprit nous a conduit dans l'Ude des Actes des Apôtres, chapitre 23, où l'apôtre Paul était arrêté par les pharisiens, accusé par les pharisiens, arrêté par les tribuns romains, et on voulait le tuer. Dieu a positionné le fils de sa tante, enfin de sa grande sœur, qu'il écoute ce que les gens avaient fait pour Galapagos. Les gens se sont fait des imprécations pour tuer l'apôtre Paul le lendemain. Et là, ça a permis que l'apôtre Paul, maintenant cet événement a permis que l'apôtre Paul puisse y aller à Rome, comme Jésus a dit. Et au verset 11, pratiquement, nous avons vu que le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour parler à l'apôtre Paul. Et nous sommes allés au chapitre 28 pour voir effectivement que c'est une promesse de l'appel de l'apôtre Paul. Quand il lui a apparu, il a dit que je vais encore m'apparaître à toi pour les choses dans lesquelles je t'apparaîtrai. Par la suite, nous sommes allés dans 1 Corinthiens au chapitre 15, nous avons vu effectivement qu'après que Jésus est ressuscité, selon les Écritures, il a apparu à plus de 500 à Cephas, à Jacques et aux autres frères, et à 500 frères à la fois. Après eux tous, il a aussi apparu à l'apôtre Paul. Là, nous avons fait une parenthèse pour régler quelque chose que les gens font sur la terre aujourd'hui. Les gens fustigent certaines personnes qui disent que j'ai vu Jésus. Ils veulent dire que non, Jésus va venir en enlèvement. Alors que la Bible nous montre clairement qu'après que Jésus soit ressuscité, il est venu sur la terre à plusieurs reprises. Il est venu à l'île de Palme pour apparaître pour donner la liste d'Apocalypse. À l'époque, nous avons fait cette parenthèse-là. Et puis, revenir sur l'expression même de son apparition. Lorsqu'il y a des difficultés, il apparaît, il ne t'enlève pas de la difficulté. Nous avons vu que parce que cette difficulté est censée amener dans le plan de Dieu. Voilà, ça fait partie intégrale. L'apôtre Paul était en prison. Il est venu, il est apparu, il n'a pas brisé les chaînes. Il n'a pas frappé quelqu'un de mort. Il a dit qu'il faut que tu comparaisses à Rome. Et il ne lui donne pas l'assurance qu'il va aller à Rome en première classe dans le bateau. Non, il part avec les chaînes parce qu'il était prisonnier. Donc, malgré qu'il soit prisonnier, il est le grand serviteur de Dieu qui donne le conseil au capitaine et celui qui dirigeait vraiment le bateau. Amen. Amen. Ils ont vu comment l'ange est venu dans le chapitre 28, lui dit, je te donne tous ceux de ces bateaux. Donc, le bateau, tous ceux qui étaient dans le navire, plus de 278 personnes, étaient sous la direction de l'apôtre Paul. Donc, l'apôtre Paul avait leur vie entre les mains. Il pouvait dire clairement que sautez, jetez-vous dans l'eau parce que le navire va s'écrouler. En leur donnant le faux message, ils entrent dans l'eau et tous meurent, n'est-ce pas? Il n'a pas fait comme nous faisons aujourd'hui, comme nous voulons tuer nos ennemis, tuer tous les gens qui nous ont fait du mal, tuer ceci, tuer là, tuer le pasteur là, tuer le juge qui a notre dossier, rendre confus. Il n'a pas fait cela. Il leur a donné le conseil qu'ils prennent de la nourriture, ils mangent parce qu'il faut qu'ils échouent sur une île. Nous avons vu effectivement que, après s'être échoué sur cette île là, il a fini par arriver à Rome où il a comparu devant, mais en aucun cas il ne s'est fustigé devant ses adversaires. Il n'a pas considéré le soldat romain, ni les pharisiens, ni les sanctions comme ses ennemis, parce qu'il sait que le combat est spirituel. Et il est dans la volonté de Dieu. Donc Dieu parle au travers des épreuves, dans sa volonté souveraine, pour nous conduire à sa voie à lui. Et c'est l'une des choses que nous avons dites que, quand Jésus dit dans Jean chapitre 10, si vous voulez me dire, hein, je vais faire un bref résumé pour qu'on avance. Quand Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 10, mes brebis entendent ma voix, je les connais et me connaissent. Elle m'entend, ma voix, elle me suit. Ça ne veut pas dire qu'on entend justement seulement la voix audible. Parce que Dieu ne parle pas seulement par la voix audible. Nous avons vu par exemple, en faisant encore une escale dans le Genèse chapitre 46 à 49 jusqu'au 50, dont j'ai cité, que le cas de Joseph, on n'a pas dit qu'il entendait des voix. Mais il est allé en Égypte par suite du fait que ses frères l'ont vendu. Arrivé là-bas, il a été accusé injustement, mis en prison injustement. Et là, il est sorti pour aller au trône. Nulle part, il n'a accusé ses frères, nulle part. C'est quelqu'un là. Nulle part il n'a dit ses frères. Nulle part il n'a dit à quelqu'un que c'est toi qui m'as fait comme ça là. Mais plutôt ses frères se rendaient coupables lorsqu'il avait été élevé. Il savait effectivement que là il devait prendre la revanche, mais il n'a pas pris la revanche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit dans Genèse chapitre 50, verset 28, c'était hier, que ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas du mal, ne pensez pas à ces choses là, parce que Dieu m'a envoyé devant vous pour sauver le monde comme ça. Or, quand nous disons l'histoire, comment il a fait pour arriver en Égypte? Dieu ne l'a pas envoyé en Égypte physiquement, comme on dirait, va en Égypte. Vous voyez cela? Ça, c'est plus calme. Bonne arrivée mon cher. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Donc, en salon, il s'assoit là, je ne comprends pas. C'est celui qui lui aussi avec son petit saboté Dieu à ce moment-là. Il a aussi sa saboté Dieu. Ou bien. Assieds-toi. Alors, nous voyons effectivement que dans Genèse chapitre 50, verset 20, nous voyons effectivement que Dieu a envoyé Joseph en Égypte pour délivrer le monde. On ne voit nulle part où Dieu dit à Joseph que je vais t'envoyer dans le monde pour que tu partes là-bas. Quand il y a une situation qui vont faire telle ou telle chose, tu vas délivrer le monde. On ne voit pas cela. On voit que ce sont les événements, des circonstances négatives qu'il y a conduit. Tu vois cela? De telle façon, c'est le droit de l'Égypte. Lorsque quelqu'un est de Dieu, les circonstances. Non, fais pas ça. Les circonstances négatives ne font que. Écoutez très attentivement. Lorsque quelqu'un est appelé de Dieu. Lorsque quelqu'un est appelé de Dieu, les circonstances négatives ne font que fortifier sa foi en Dieu. Parce qu'il comprend que les circonstances sont les moyens par lesquels Dieu parle pour le conduire à lui dans sa volonté parfaite. Et donc, le vrai problème avec nous, c'est qu'on a entraîné les chrétiens que si tu as des difficultés, c'est parce que tu es un pécheur. Si tu as des difficultés, c'est parce que tu as un problème. Et nous avons vu dans la Bible clairement que les disciples ont eu des problèmes. L'apôtre Paul, nous avons vu dans 2 Corinthiens chapitre 12, que l'apôtre Paul a eu une écharpe dans la chair, un ange de Satan, qui a été positionné là-bas pour l'empêcher de s'enorgueillir. Et il a dit trois fois qu'il a prié le Seigneur de l'éloigner de lui. Le Seigneur lui a dit que je ne l'éloigne pas. Sa grâce, ma grâce te suffit parce que ma force, ma puissance se révèle dans la faiblesse. Et nous comprenons effectivement que Dieu peut laisser donc les choses dans ta vie temporairement à cause de la manifestation de sa puissance pour se glorifier. Et c'est pêle-mêle dans la Bible. Job, c'est un autre cas là. Job, le prophète Job, c'est un autre cas. Il reste un homme intègre sans jamais rien faire. Malgré qu'il avait l'argent, il ne s'est jamais pris le dos. Il n'a jamais pris la femme de quelqu'un, il n'a jamais manifesté de la haine contre quelqu'un ni ses ennemis. Mais jusque-là, Satan a désiré le frapper. Et Dieu lui a dit, je te permets de toucher à tout ce qui lui appartient, sauf sa vie. Satan lui pensait que c'est à cause du matériel que Job essaie d'esquisser de quelque part de foi pour Dieu. Il lui a dit, c'est pas pour cela. Il n'y a personne sur la terre comme lui qui est intègre, juste droit et qui craint Dieu et qui s'éloigne du mal. Satan dit, okay, permets-moi de le toucher, tu vas voir, non, il va te maudire en face. Il a frappé ses enfants, frappé ses avoirs, des milliardaires qu'il était, il est devenu un clochard au point où il s'est gratté même avec les tisons de bouteille. ses amis sont sortis de l'Orient, venus s'asseoir à côté de lui. 7 jours, ils n'ont pas parlé parce qu'ils étaient dépassés par les événements. Il commençait à sonder l'esprit. Est-ce que c'est normal qu'un être humain qui craint Dieu, qui vit comme ça, qui vit dans l'intégrité, essaie d'avoir des choses comme ça? Au plan humain, ils avaient raison. Parce que ce n'est pas normal que quelqu'un qui sait le Dieu qui est bon, des choses mauvaises lui arrivent. Mais les dieux, ce que nous appelons choses mauvaises pour nous ici n'est pas des choses mauvaises pour Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Par exemple, dans votre cas que vous avez cité, vous avez donné comme exemple hier dans la conversation, s'il n'y avait pas ces problèmes, vous n'avez pas cherché les solutions. Les solutions que vous cherchez, parce qu'il y avait un problème, vous cherchez les solutions pour comment on va faire. C'est chez Dieu. On va chez Dieu, on va chez le marabout subitement, ça vous conduit effectivement chez Dieu. C'est pour ça que les blancs, eux, ils n'ont pas ces problèmes. Ils ne croient pas à la sorcellerie, ils croient à la science. Quand il a des problèmes d'ordre psychologique, il passe devant un hypnose, il fait comme ça, il balance ses yeux. Après, on lui dit que non, on est entré dans la troisième vie. Quand tu vivais en Égypte, dans le temple de Pharaon, tu avais fait quelque chose comme ça, on dit que c'est la loi du karma. Bref, il sort, il trouve un peu de calme et il s'en sort. Quand ils font cela, ils savent qu'ils peuvent résoudre leurs propres problèmes. Donc, ils n'ont pas besoin de Dieu. Sur le plan humain. Sur le plan humain. C'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Alors, nous avançons sur un terrain. Quel est le vrai problème aujourd'hui? Le vrai problème, c'est que les chrétiens semblent parler à Dieu, Dieu ne répond pas. Beaucoup tournent en rond. Parce qu'il n'y a pas une communion avec le Seigneur. J'ai dit, je suis venu afin que la communion soit rétablie. C'est-à-dire qu'on puisse parler à Dieu. Que vous sachiez que Dieu veut votre Père. Que quand vous parlez, il vous écoute. N'est-ce pas? Vous voulez cela? N'est-ce pas là où nous nous trouvons? Alors la question maintenant, comment? Quels sont les secrets? Vous y êtes? Prenez les feuilles, notez déjà, notez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc nous continuons dans la deuxième partie de la chose. Okay? La deuxième partie. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Tu as voyagé des nuits, mon cher? Oui, 5 heures. 5 heures, que Dieu te bénisse. Bienvenue aussi. Allonge-toi, tu dois pendant que tu suis cette chose-là. Non mais attends, viens t'asseoir, tu peux noter après, viens t'asseoir. Pourquoi on ne paye pas le temps maintenant? Vas-y, toi qui es juste là. Mais ça doit être un réflexe quand on a de vouloir parler de Dieu, vous devez avoir quelque chose pour noter. Oui, mais c'est dans mon sac. Oui, c'est dans ton sac, c'est pour ça qu'il y a un réflexe pour le faire. On y va. Dans ton sac de Carole. Non, ça va, continuons. Ouais. Continuons. Donc tu n'as pas donne le lot, mes parents. Voilà, tu as de quoi noter là maintenant. Que la grâce et la paix te soient multipliées. Donc, le but d'ici maintenant, c'est montrer exemple à l'appui, verset à l'appui, comment être d'abord en communion avec Dieu. Hein? Garder la communion de, maintenir la communion de, et puis entretenir. Comment entretenir surtout la communion pour que ça soit agréable à Dieu? Voilà ce qu'on va répondre maintenant. Et ça doit être dans la Bible. Vous y êtes? Mais remarquez le mal que cela a. Vous êtes chrétien. Lorsque vous priez chaque fois, rien ne semble changer. Les gens qui sont dans le monde font leurs activités, ça marche. Après, ils viennent t'interroger que tu m'as dit que tu sais Dieu, non? Comment se fait que tu appelles l'homme et ne répond pas? Pourtant, il y a même la chanson qui dit appelle, il te répondra. Quand tu appelles ta voix, ça sonne dans le vide. Tu appelles un temps, Dieu est sur le pondeur. Quel est le problème? Le problème, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas nous. C'est parce que nous ne comprenons pas comment il veut que nous fassions, d'accord? Dans une situation de communication, il faut un interlocuteur, il faut celui qui parle. Il faut donner les situations, les moyens de communication. Nous savons donc au moins que Dieu est là. Et nous savons que nous sommes là, nous sommes réels. Donc les deux positions sont réelles. C'est les moyens de communication maintenant qui sont. Première chose, il faut qu'on admette que c'est Dieu qui est l'auteur de tout ce qui peut nous arriver. Vous entendez cela? Il faut qu'on admette que Dieu est l'auteur de tout ce qui peut nous arriver. Pourquoi tu me regardes comme ça, ma soeur? Non, parce que je suis toute... Surprise? Non, pas surprise. Mm-hmm. Parce que c'est normal. C'est normal. Mm-hmm. Voilà la première chose. Si on admet cela, ça va, on va avancer doucement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, rien ne peut arriver sans sa volonté. Alors, ça va nous dire quoi? L'implication de ces les premières choses, admettre que Dieu est l'auteur de tout ce qui nous arrive. Ça, on n'admet pas tout simplement que maintenant je dis que Dieu est l'auteur de tout ce qui m'arrive. Ce n'est pas comme ça que ça s'admet. Vous devez l'intégrer dans votre cœur en acceptant que rien ne peut m'arriver si lui il ne veut. En tant que son enfant. C'est ce que la Bible nous enseigne dans Romains chapitre 8. Verset 28 et 29. Nous sommes d'accord. Ok. Je lui dis dans ce passage, nous savons. Vous voyez effectivement que... Pardon, tu peux répéter les versets. Romains chapitre 8, verset 28 à 29. Et donc, nous voyons effectivement que l'apôtre dit là-bas que nous savons. Donc, c'est quelque chose qu'il savait. C'était évident pour eux. Nous. Il ne dit pas que je sais. Il dit nous savons. Donc, ceux qui sont des dieux savent ce principe-là. Que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, si tu aimes Dieu, n'importe quoi va finir par tourner en ta faveur. N'importe quoi. Même quand quelque chose semble être mauvaise, ça finit par arriver dans le sens, dans le bon sens. C'est-à-dire, par exemple, vous avez les chèvres à côté de ta maison, ou bien les bœufs, qui défèquent quelque part. Vous dites, ici se trouvent des déchets, vous appelez ça les caca, des déchets des chèvres. Subitement, vous voyez au travers de ces déchets-là, quand c'est humide, vous voyez sortir une fine rose. Comment? Une fine rose. Une fleur qui est véritablement agréable aux yeux, avec une senteur bon, sort au milieu du caca. Ça, c'est un enseignement. Vous devez comprendre pourquoi. N'est-ce pas, mon frère? Yo. Vous devez essayer de comprendre comment c'est fait que... Vous remarquez très bien que pour que les cultures soient bien dans les gestes qui sont dans l'agriculture, il faut mettre plutôt les déchets là-bas. Les déchets, que ça forme l'humus, la terre devient noire. Et là, quand ce qui sont là-bas, c'est plus gros. Donc, plus vous êtes dans les grandes difficultés, plus la gloire de Dieu peut se révéler. Regardez les champignons, dégustant. Ça n'a pas l'eau, ça n'a pas fait quoi que ça. Ça sort là où il y a ces choses-là. Et c'est dégustable. Et c'est bon. Et quand vous venez cueillir cela, vous lavez, on ne vous pose pas la question comment. Ça, c'est de la saleté. Mais ça sort quand même là-bas. Comment la fleur rose puisse sortir là où il y a le caca? Vous avez la pensée à cela? Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ce que tu comprends, considères comme difficulté, tu considères comme mal, derrière cela, Dieu cherche sa gloire là-dedans. Amen. Oui. En fait, même notre vie, c'est un système. Je veux que vous levez, chacun se tienne debout. Tenez-vous debout ici. Sautillez, vous pouvez voir. C'est pas le sport que vous faites, je veux. Voilà, c'est bon, asseyez-vous. Si vous, asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Vous voyez ce que vous avez fait. Vous voyez ce que vous avez fait. Vous avez sauté avec vos pieds pour piétiner quelque chose. Si vous étiez sur la terre, dans une terre ferme, vous aurez piétiné la terre. Eh bien, vous remarquez que la terre, c'est ce que Dieu a pris pour nous faire. Donc Dieu a pris la chose la plus basse. La plus basse, c'est de ça qu'il a tiré l'homme. La chose la plus ridicule, c'est là où il a tiré l'homme que nous sommes. Et tu vois, l'homme se vante aujourd'hui que je suis ici. Sur le grand président, sur le grand gouverneur, alors que ce n'est qu'une poussière. Poussière, parce que quand tu marches là, tu traverses, ce sont les êtres que tu traverses, nous sommes d'accord. Ce sont les êtres humains, c'est même ton corps que tu traverses comme ça. La Bible déclare qu'il prend les choses viles du monde, les choses qu'on ne considère pas, pour confondre ce dont les gens ont les yeux ouverts là-dessus. Alors ça veut dire que même notre propre vie, c'est dans ce principe-là que Dieu nous a sorti de la chose la plus vile. S'il nous a fait sortir de la chose la plus vile, ça veut dire que quel qu'en soit ce qui est le plus vile dans notre vie, Dieu peut faire sortir sa gloire. Le principe, ça se trouve dans tous les éléments de la vie. D'accord? Voilà, on avance. Premier principe, admettre que Dieu est l'auteur de tout ce qui peut nous arriver, soit en bien, soit en mal. En fait, j'ai cité Romains chapitre 8, verset 28. Lamentations chapitre 3, les versets 37 à 38 disent clairement que arrive-t-il quelque chose sans que l'Éternel en soit l'auteur? Vous comprenez cela? Est-ce que quelque chose arrive sans qu'il en soit l'auteur? Alors, en réalité, en restant tranquille un instant et en analysant notre vie, nous devons comprendre que ce principe, c'est même le premier même de notre vie. C'est-à-dire quoi? La famille dans laquelle tu nais, tu ne décides pas de venir. Nous sommes d'accord? Tu ne décides pas de venir chez ta maman. C'est toi qui as décidé pour naître là-bas. C'est toi qui as décidé que ton père naisse. Et quand tu es né, par exemple, ton père meurt. Non. C'est toi qui as décidé de naître noir, blanc. La couleur des cheveux, c'est toi qui as choisi. Le cerveau que tu as dans ta tête, c'est toi qui as mis. Quand tu n'es pas de l'intelligence, Dieu dit que si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu. Pourquoi il a donné la sagesse à l'un et n'est pas donné à l'autre? Dans Job, c'est lui qui dit que regardez l'autruche à qui j'ai refusé l'intelligence. Qu'est-ce que l'autruche a fait pour que Dieu lui refuse l'intelligence? Regardez-vous même l'hippopotame, regardez comment il est laid. La parfaite beauté de la laideur, c'est lui. Vous voyez c'est comment il est. Mais Dieu le vante en disant que tant que lui, vous connaissez ses forces, il va vous traiter. Et regardez les créatures qu'il a faites. Pourquoi il fait ces choses diverses comme ça? pour qu'on le crée, qu'on comprenne qu'il est souverain. Alors Dieu est souverain dans nos vies. Regardez les spermatozoïdes. Combien de spermatozoïdes se battent pour la fécondation d'une gamine? Combien? Et combien en parvient à entrer? Une seule. Donc même le jour de ta naissance, le jour de ta fécondation, tu as tué près de 10 millions de personnes. Parce que chaque spermatozoïde, là, si ça fait une gamète, c'est une personne. Ça fait une gamète, c'est une personne. Et d'autres même seront même trois. Donc même le jour de ta fécondation, quand le spermatozoïde entre et que la flagelle est coupée, ça, c'est quand les toxines, les trucs détruits, la muqueuse là-bas, ils détruisent les autres spermatozoïdes. Donc tu tues tous les autres frères des millions pour pouvoir vivre, survivre. Dès le départ, ce n'est pas la sélection, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a sélectionné. À partir de cet instant-là, ta destinée est tracée. À partir de cet instant, les eaux que tu as qui sont sur lui aujourd'hui, c'est toujours à l'intérieur. Les pensées, tous les cheveux qui sont intégrés, c'est toujours là-bas. Il n'y a pas un moment où tu finis de sortir et puis le cheveu vient. C'est, ça sort de l'intérieur de toi. Ça commence à se développer de l'intérieur. Donc le spermatozoïde là, avec la gamelle à l'intérieur, tous les informations se trouvaient dedans. Donc la couleur de tes yeux se trouvait dedans. La taille, dedans. Les os que tu auras, dedans. Qui a mis cela? Alors d'autres personnes naissent comme ça en sortant, on te parle que ses yeux sont fermés. D'autres sont sortis handicapés, n'est-ce pas? Toi, comment, qu'est-ce qu'il a fait pour être pour sortir handicapé? Qu'est-ce que toi tu as fait pour ne pas sortir comme ça? Tu vois que rien ne dépendait de toi. Il y a quelqu'un donc qui contrôle tout et qui a écrit l'histoire de ta vie pour que tu la vives. Quelqu'un a écrit l'histoire de ta vie pour que tu la vives. Le vrai problème là, c'est que lorsqu'on devient intelligent, on essaie de réécrire son histoire. Les pasteurs ont entré dans les dents avec des faux messages. Tu peux changer ta destinée. Commence par changer la couleur de ta peau, tu vas voir ce que le carré vous fait. Alors, tu peux changer ta destinée. Quelqu'un peut changer ta destinée. Ce n'est pas biblique ça, tu ne peux pas changer ta destinée. Tu ne peux pas changer ta destinée parce que ce qui est écrit ne peut pas être changé. Dès le départ, tu es déterminé. Ok, je veux changer ta destinée. Je souhaite maintenant naître chez le président. Tu peux naître. Est-ce que tu peux naître chez le président? Comme tu es dans l'année, c'est comme ça, c'est terminé. Ah, je souhaiterais être blanc. Tu es dans un noir, qu'est-ce que tu vas faire? Malgré tout ce que tu vas faire, même si tu prends tous les hydroquinons pour mettre sur ta peau de quand tu vas regarder dans ta photo, dans ton miroir, tu vas savoir que ta conscience te dit que tu es noir. Nous sommes d'accord? Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu a destiné toutes choses pour un but. Le vrai problème, c'est que dans la suite de l'histoire de cette vie-là, nous regardons ça et là, et voyons que les événements nous arrivent, nous ne comprenons pas qu'en fait, ces événements-là sont des pièces mises en place par Dieu pour nous conduire dans nos destinées. D'accord. Me suivez? Oui. Qu'en est-il alors pour ceux qui se suicident et tout ça? Ça aussi, c'était dans le plan parfait de Dieu? Absolument. La Bible dit, si tu ne veux pas dire le contraire. Parce qu'on dit, on dit que Dieu ne permet pas que l'homme se donne la vie. Il ne veut pas que quelqu'un se donne. Tu ne veux pas donner la vie, tu ne dois pas ôter, non? Voilà. Il a dit que tu le tueras pour, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ça empêche que les gens tuent. Est-ce que ça empêche que les gens tuent? Ben non. Tu ne mentiras pas. N'est-ce pas, c'est le pasteur qui prend votre argent? Bien sûr. Lui, il ne lit pas ça. Alors, le problème, c'est le grand plan de l'univers est tracé par les Lamentations, c'est en plus de trois. Disons d'abord Lamentations, c'est après Jérémie. On va revenir. Nous sommes dans le premier point. Le premier point, c'est qu'il faut admettre que tout ce qui nous arrive vient de lui. D'abord, c'est la première chose d'abord. Ça veut dire quoi? Même si vous dites que le diable a fait telle chose, il vous pose la question. Entre nous et le diable, qui est plus puissant? Ben, normalement, c'est nous. Tu es puissant. Tu as quelle puissance? Non, mais... Entre nous et le diable. Ben, je pense que nous, les chrétiens, on est plus puissants que le diable. En quoi? Bah, parce que dans l'instant où on doit avoir l'autorité sur... Sur eux. Je parle dans le cas général, les êtres humains. C'est-à-dire les êtres humains, je ne parle pas des chrétiens particulièrement. J'arrive pour le cas des chrétiens. Les êtres humains normaux, entre eux et Dieu, et les démons et Lucifer, qui est plus grand, plus puissant? Les démons, n'est-ce pas? C'est là où je sens de vouloir arriver pour vous saisir. Vous étiez dans le monde initialement. Vous avez vécu dans le péché. À l'échelle de marabout. Qu'est-ce qui les empêchait de vous tuer? Pourquoi n'ont-ils pas pu vous tuer? Vous avez, dans le monde, vous avez fait des excès. Aller en boîte de nuit. Rentrer sain et sur d'autres ont conduit avec la bière qu'ils ont bu, avec l'alcool aux yeux. Pas vrai? Jusqu'à parvenir à trouver la maison. Des éléments sont arrivés. Sans te tuer. Pourquoi? Alors que tu es là, tu es vulnérable. Tu es dans le monde. Tu n'as pas l'autorité du nom de Jésus. Et les démons voient tout ce que tu fais. Pourquoi n'ont pas pu supprimer ta vie? Supprimer la vie comme ça, pourquoi? Et quoi, Catherine, là, elle ne trouvera pas Jérémie, vous ne pensez parce pas? Hein? Jérémie, c'est après le livre des. Lamentation ou Jérémie? Oui, après Jérémie, repère Jérémie. Quand tu repères Jérémie dans le livre des prophètes, tout juste après Lamentation de Jérémie. Alors, vous comprenez la question, n'est-ce pas? C'est pour vous dire que même Satan est sous le contrôle de Dieu. Il agit sous la surveillance, sur l'œil gendarme du Seigneur. Amen. En fait. Je pense que c'est parce que si il y a une mise à la grève, c'est juste parce qu'on était déjà prédestiné. Voilà, on est prédestiné, mais le problème c'est que si on est prédestiné, si on comprend cela, ça veut dire que même, ça veut dire que Dieu a un plan. Ça veut dire qu'il y a un plan qu'il a fixé, que même si tu travailles dans la vallée de l'homme de la mort, je suis avec toi, n'est-ce pas? Ce plan-là, ça ne dépend pas de ce que tu auras fait. Ben, son plan est fixé avant que tu ne sois là. Et si ce plan est fixé avant que tu ne sois là, ça veut dire que tout ce qu'on a fait, c'est de le laisser agir selon sa volonté dans notre vie. Lamentation, chapitre 3, vous y êtes. Allons-y, verset 37, quelqu'un peut lire. Lamentation. Lamentation, chapitre 3, verset 37. Et suivant, allons-y. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Stop, répondez à la question. Et là, c'est le prophète qui dit. Il dit, est-ce que vous pouvez dire que quelque chose arrive sans que Dieu ne l'ait ordonné? Jamais. Si vous dites que Dieu n'a pas ordonné, ça suppose que vous dites que Satan peut faire des incursions aussi sans la volonté de Dieu. Satan, il fonctionne dans la volonté parfaite de Dieu. Pour qu'il fasse n'importe quoi, c'est Dieu qui lui assigne les limites. C'est Dieu qui lui assigne les limites. Remarquez bien ce que Jésus va dire à Pierre dans le Luc au chapitre 22. Il a dit, Seigneur, je t'ai sauvé par toi, je vais te faire tes choses. Il est tourné là, regardez, il dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Vous entendez ce que Jésus dit? Comment me regardez comme ça? Vous avez lu ça dans la Bible? Non. Luc, allons-y donc là-bas. Mettez le doigt ici dans le verset. Dans la vie de Luc. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Luc, vous y êtes? Verset 31, du chapitre 22, Luc. N'oubliez pas Lamentation. Nous sommes en train de. Chaque fois qu'on est en train d'avancer, n'oubliez pas ce qu'on veut voir. On veut voir comment garder cette intimité du cours. Luc chapitre 22. D'accord. Verset 31. Regardez. Je vais que vous repérez. Dès que vous avez repéré, vous me dites. Luc chapitre 22. Verset 31. On y va. On y va. Verset 31 dit, le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Vous savez comment on crible le froment, non? Le froment, quand on ramène le froment, il dit ça. C'est le renseignement que Jésus donne à Satan, à Simon. Il dit, Simon, Satan vous a réclamé. Vous marchez ici avec Jésus, vous lisez tout Luc. Vous ne voyez nulle part où il a eu l'intégration avec le diable en dehors de Luc chapitre 4. Le jour où il gênait, il priait. Mais il ne marchait pas prêcher. Il ne marchait pas prêcher avec les disciples. Il les envoie au chapitre 10 qu'allait prêcher la bonne nouvelle. Allait faire telle ou telle chose. Les ouvriers sont peu nombreux. Ou prier le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers à sa moisson. On ne voit nulle part où le diable est encore venu le rencontrer. Mais ici, il nous donne un renseignement. Que Satan vous a réclamé. Où est-ce que ça s'est passé? Personne ne sait. Jésus-Christ, à moins que le Seigneur qui donne ces renseignements, on ne sait. Donc tu es sur la terre, Satan va dire à Dieu que permets-moi de frapper telle sœur. C'est ce qui écrit. Voilà ça là devant toi. Il dit Satan vous a, pas seulement Pierre, il vous a dit permets-moi de frapper tes disciples. Jésus dit dans cet enseignement-ci que quand Satan a réclamé comme ça, il dit j'ai prié pour toi, pas pour eux, pour tout le monde. Regardez bien. Le Seigneur dit Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Il dit Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Parce que le plus grand danger, c'était Simon. Vous voyez? Remarquez quelqu'un qui a suivi Jésus-Christ, qui était tellement. Il était rempli de hardiesse. Mais à un moment donné, ni le sauveur trois fois. Je ne le connais pas, je n'ai jamais entendu parler. C'est terrible. Imaginez que cette prière n'avait pas été offerte. Il avait été rejeté par Dieu. Regarde ce qu'il dit. Il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Remarquez encore une fois de plus que Jésus a prié. Jusque là, il est arrivé jusqu'à régner trois fois. Et donc, la prière l'a gardé pour qu'il nie seulement trois fois. Il dit que pour que ta foi ne défaille point. Il dit, mais lorsque tu seras converti, affirme tes frères. Vous voyez ce qu'il en est. Ça veut dire qu'il savait déjà qu'il n'était pas converti. Hein. Absolument. En fait, personne n'était converti là-bas. Quand vous serez converti, il faut affirmer tes frères. Maintenant, ce que vous allez comprendre ceci, c'est que Satan ne peut rien faire sans la volonté de Dieu. Il ne pouvait pas aller frapper les disciples sans demander à Dieu. Et je suis en train de dire clairement que Satan les a réclamés. Mm-hmm. Je veux que vous remarquez que si le verset n'est pas donné, On va lire la Bible jusqu'à finir. On ne saura jamais qu'il y a une indication entre Jésus et Satan dans le spirituel concernant les disciples. Or, si quelque chose les arrivait, boum, ils étaient morts dans le bateau. Et chaque fois, nous avons vu cela quand Satan les réclamait. Ils étaient là-bas, dormant. Satan a déféré un cyclone. Pouf, pour que ça s'écoule le bateau. Maître, nous périssons. Satan était à l'œuvre. Je permets de les tester, de tester les fois. Donc, Satan est le maître qui nous enseigne comment manifester notre foi. Satan est le maître qui nous enseigne comment manifester nos foi. Satan est là pour nous faire savoir, pour nous faire tester que nous avons la foi en Jésus. Pour nous indiquer. Satan est là pour nous indiquer que nous avons la foi en Jésus. Que voici votre foi est stable, voici votre foi n'est pas stable. Satan est là pour ça, c'est l'enseignant de ça. Il vous donne les épreuves. Dieu permet donc qu'il donne les épreuves pour que vous testez votre foi. Vous comprenez cela? Voilà. Alors, Dieu dit ces choses, ça veut dire que Satan est sous son contrôle. Il ne peut pas faire d'incursion sans demander la volonté à Dieu. Et donc, rentrons dans Lamentations chapitre 3. Le prophète donc pose la question. Qui dirait qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Continuons. Verset 38. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Vous avez vu, n'est-ce pas? Ça, c'est clair dans la Bible. C'est un prophète qui dit cela. Il dit, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Alors, le vrai problème dans le cadre humain, c'est que quand ça arrive, on ne comprend pas pourquoi ça nous est arrivé. Nous aimons seulement le bien parce que l'être humain naturellement n'aime pas souffrir. L'être humain naturellement n'aime pas souffrir. Une femme, quand elle va concevoir, les séquences commencent dans sa tête, les séquences des rêves commencent dans sa tête. Comment ça sera mon accouchement? Elle part chez une femme qui a accouché, elle dit, maman, j'ai souffert, on m'a causé, l'enfant m'a déchiré. Quand le médecin annonce que l'enfant, c'est 3 kilos, 5 kilos, dans l'eau, ben, papa est venu sur la terre. Les traumatismes de l'accouchement commencent à préparer. Elle va avoir tout genre de rêves durant ce moment-là. D'autres vont clairement dire au docteur, s'il te plaît, je préfère que tu m'opères pour enlever l'enfant, pour ne pas subir toutes ces difficultés. Donc, normalement, personne ne veut souffrir. Mais Dieu dit là clairement que les maux et les biens, c'est lui, d'après sa volonté. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Ah, pourquoi mon père est mort? Pourtant, c'était un bon type. Pourquoi jusque lui, il est mort? Ton père était plus bon que Jésus. Les disciples sont venus dire à Jésus que non, il n'est pas possible. Un homme bon comme toi ne doit pas mourir comme ça. Tu es bon. Tu as fait quoi aux gens? Il dit que arrête de moi, Satan. Mort d'un homme parce que le problème vient du mal. Voilà, en même temps, tu peux passer. Non, c'est en train de. Il y a des gens qui se posent la question. Ça, c'est un pasteur là qui est là. Vous arrêtez pour aller voir. C'est ça, non? Alors, écoutez très attentivement. Quel qu'en soit ce qui vous arrive, donc, on est au niveau du premier point. On est au niveau du premier point. Nous voulons voir comment garder l'intimité avec Dieu, découvrir l'intimité avec Dieu, le garder, conserver, maintenir, ainsi de suite, entretenir. Première chose. L'intimité ne peut pas avancer sans que vous ne compreniez d'abord le premier principe que tout ce qui vous arrive est sous le contrôle de Dieu et Dieu l'a voulu. Si c'est assimilé, je peux avancer. Amen. Il y en a plein là-dedans. Il y en a plein. Vous allez vous poser la question, comment Dieu, pourquoi Dieu permet que Saül tente de tuer David malgré que David n'a rien fait? Lorsque vous lisez tout le plan, vous comprenez que la fuite de David, tout ce qui a été fait, c'était dans le style de l'entraîner David dans ces choses-là, pour l'entraîner, pour qu'il devienne davantage fort. Dans la fuite, il va renouer le contact, il va nouer le contact avec les guérillas, il va nouer le contact dans le désert, il sera habitué à la chasse, à la fuite, à la poursuite, ainsi de suite, aux tactiques de l'ennemi. Mais il utilise Saul pour le faire. Mais c'est vraiment difficile parce que il y a une scène qui m'avait aussi un peu épaté. Quand c'était à la veille de Noël. De cette année-ci. Non, il y a cela, l'enfant de cette année-ci. Les enfants étaient à l'enfant là. Les enfants se sont alignés. Les enfants partaient à l'église pour leur première communion. Le maître les met en rang. On était en train de marcher pour aller à l'église. Un camion est venu perdre le contrôle comme ça. Pour ramasser tout. Tous les enfants, tuer les enfants. Ça, c'est incompréhensible. Ça peut faire pour d'autres personnes pas être à l'église. Allons dans la Bible voir le camion qui a cogné les enfants, d'accord? On peut y aller. On va dans la Bible. Matthieu chapitre 2. On va voir encore plus grave. Il y en avait combien d'enfants dans cette mort là? 23. On va voir qu'ici, il y en a, c'est toute une population. Matthieu chapitre 2. Quel verset? Il veut à partir du verset 13. Il veut expliquer ce qui se passe depuis le chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 12 pour qu'on continue au verset 13. C'est la naissance de Jésus. Lorsqu'il est né, les mages sont venus à Jérusalem pour dire où est le roi des Juifs qui est né. Tout Jérusalem a été ému. Enfin, je résume la chose. Hérode a finalement dit qu'aller chercher là où l'enfant se trouve. Et lorsque vous allez trouver l'endroit, venez me dire pour que je parte clairement là-bas pour l'adorer. Or, l'intention c'était que s'il répète, il tue l'enfant. Ouais. Quand ils sont allés, ils ont vu Jésus, ils ont adoré. Le Seigneur les a guidés de passer autrement, de ne plus revenir dire à Hérode. Ouais. Quand ils sont partis, Hérode attend. Rien. Attend pour que les gens viennent dire rien. Après, il se rend compte que les gars l'ont dit peu. Il l'envoie maintenant, il commence à faire d'abord l'analyse. Depuis les gars sont venus ici, depuis quand le temps a brillé, on leur a dit que c'est 2 ans en dessous. Il est dans cet espace de 2 ans. Allons-y voir ce qu'il arrive. Verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Amen. Amen. Pourquoi Dieu envoie un ange dire à Joseph que prends l'enfant se fuit et laisse les autres enfants périr? N'est-il pas au courant que les enfants vont mourir? En fait, dans Jérémie chapitre 31, verset 15, 700 ans avant, il avait dit ce que Matthieu celui-ci dit que selon ce qu'il avait dit le prophète, Rachel pleure ses enfants. On entend des cris à Rama, des grands cris et des grandes lamentations. Dans Jérémie chapitre 31, verset 15, c'est écrit là-bas. Or, Jérémie écrit ces choses-là, il crie comme ça. C'est donc ce prévu qu'il y ait des cris dans les rues. Les femmes sont waouh, waouh. Qu'est-ce qui se passe? Les soldats sont venus tuer les enfants. On regarde l'enfant. 2 ans en dessous, on tue. Combien d'enfants sont morts? Donc, le fait qu'il meurt ne veut pas dire que c'est pas le contre de Dieu. C'est Dieu qui a ordonné. Donc si quelqu'un dit qu'il ne veut pas aller suivre Dieu parce que les enfants sont morts et alors qu'il partait suivre Dieu, il ne connaît pas ce qui arrive. C'est pour ça qu'il dit, la première chose, c'est qu'il faut admettre que toute chose, rien n'arrive sans que Dieu ne vienne prévu. Mais pour le cas, si c'est écrit dans la Bible, pour le cas dont tu parles, c'est pas écrit dans la Bible, c'est écrit quelque part. Vous voyez que pour Jésus, si Dieu voulait préserver qu'il ne suit pas, parce que c'est l'ange même qui a dit que Hérode cherchera à tuer le petit enfant. Oui. Hérode a cherché. Le but pour Hérode, c'était de tuer le petit enfant. Voilà. Alors, ne commençons pas l'enfant, qu'est-ce qu'il faut faire? La solution, c'est de massacrer tous les enfants. Donc, la naissance de Jésus-Christ a amené la mort au moins de 30 000 enfants. Même chose chez Moïse. N'est-ce pas, frère? Alors, on dirait donc que c'est quel style de Messie même qui naît comme ça, le jour qui naît, c'est la malédiction que toutes les femmes commencent à pleurer ses morts. Il n'en est même pas moins qu'ils soient Messie. Vous voyez cela? Donc, vous tournez n'importe quelle mauvaise chose, vous dites que non, ce qui m'est arrivé, si Dieu existait, c'est pas à cause de ta chose de mauvaise qui arrive que ça va définir si Dieu existe ou pas. C'est même toi qui trouves que c'est mauvais. Voilà, justement, c'est toi qui trouves que c'est mauvais. Parce que tu peux prendre cet enfant, c'est une maman qui pleure dans la rue. Tu dis que maman ne pleure pas, c'est pour le bien d'Israël. Je dis, c'est la dernière fois que je me dis des bêtises comme ça. Pour le bien d'Israël, parce que mon enfant, c'était mon seul, mon unique enfant, n'est-ce pas? Mm-hmm. Mais il n'en aimait pas moins que c'est pour une bonne cause. Bien sûr. Les disciples eux-mêmes ne voulaient pas que Jésus meure. Tous étaient tristes quand Christ est mort. Quand tout le monde se lamentait pendant ces jours-là, les gens étaient en train de se lamenter, mais ils étaient. Les gens jouaient partout que ouf, enfin le type qui dérangeait la Galilée ici. On est passé même à côté de lui, on a dit qu'il a dit qu'il pouvait se ressusciter le troisième jour. On a dit que tu as sauvé les gens, descendant de la croix, et on va croire alors en toi. N'est-ce pas? On se moquait de lui. Il les regardait en bas, on se dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas que c'est ta volonté qu'ils partent ici. Lui est allé dans le jardin, il a prié, Père. Quand il était quelque part dans un autre jardin, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours dans le jardin là. Ça, c'est pour le cas des gens de Lazare. Il a dit, Lazare, sors! Lazare est sorti. Quand c'était dans son cas, il a prié, Père, si telle est ta volonté, que cette coupe-ci passe sans qu'il la boive. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Il a prié là-bas, pas de réponse. Jésus a prié là-bas, pas de réponse. Quand il s'est levé la troisième fois, il a compris que quand j'ai prié une fois, deux fois, trois fois, Dieu ne parle pas. Ça va, continue alors. C'est que les carottes sont cuites. Il s'est avancé, il dit que voici celui qui me livre arrive. On est venu le prendre. Donc c'est la volonté parfaite de Dieu qui passe par ce qui va donner la tristesse au monde. mais plus tard, soit une bénédiction pour des générations et des générations. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Oh, l'amour. Les disciples rentraient tristes. Dans Luc chapitre 24, deux étaient en train de marcher pour aller à Emmaüs. Ils marchaient tout tristes. Jésus est venu au milieu de lui. Bonsoir, bonsoir. Mais qu'est-ce qu'il y a que vous marchez, vous parlez tout triste comme ça? Il dit, toi, tu es le seul, tu es un étranger ici. Tu ne sais pas ce qui est arrivé. Il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, hein, tu vois, tu, donc tu ne suis pas les genoux. Tu es le seul ici qui habite à Jérusalem, qui ne connaît pas ce qui est arrivé. Il dit, mais quoi donc? Il dit, mais c'est pas le gars, c'est une blague ou quoi? Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un puissant prophète envoyé par Dieu, les pharisiens l'ont tué. Il dit, nous espérions que celui qui délivrait Israël. Voici maintenant, avec tout cela, arrive, c'est troisième jour aujourd'hui. Il a dit, commencer avec eux, il dit, oh, homme, dont le cœur est lent à, dit, à croire à tout ce qu'on dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit et qu'il entra dans sa gloire, qu'on commençait à le parler par le livre d'Isaïe, les prophètes. Il montra tout ce qui le concernait dans la Bible. Il leur a dit que dans le psaume 16, c'est écrit que son tombeau devait être parmi les riches. Il dit, oui, on l'a mis dans un tombeau neuf. Et c'est écrit qu'il devait être mis parmi le nombre de malfaiteurs. Il était avec les gars se rendent compte que là-bas en haut, il était avec le malfaiteur. Est-ce qu'on a brisé son corps? Parce que c'est écrit dans le psaume que quand une saison sera brisée. Ah oui! On a brisé l'os de celui qui était à droite, à gauche, mais lui, on n'a pas touché. Mais qu'est-ce qui arrive? Il montra à partir de l'écriture tout ce qui le concerne. Jusqu'à ce qu'ils arrivent le soir. Quand il s'assure là-bas, il prend le père, il fait PAM! Il dit, hey, c'est le Messie, va, il disparaît. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui marchaient avec Jésus, ils marchaient avec Jésus là, ils étaient tristes. Et il dit que voici ce. Les gens nous ont vraiment embrouillé qu'on ne sait même plus qui est qui. En fait, voilà cela maintenant. On croyait que c'est même lui qui devait nous sauver. Il a quand même fait du bien, mais nous voilà maintenant. Il nous a laissé. Mais il était en causant comme ça avec eux. Jésus a dit, hommes qui sont dans le cœur est là à comprendre tout ce qu'on dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ, regardez le mot, que le Christ souffrit. Que le Christ souffrit et qu'il entre dans sa gloire. Il entre dans la gloire après avoir souffert. La Bible déclare que si nous souffrons avant lui, nous régnerons. Et le chrétien de Jésus ne veut pas souffrir. C'est pour ça qu'il faut analyser d'abord la première chose en comprenant que tout ce qui nous arrive, c'est selon sa volonté. Parce que les souffrances ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous fortifier et nous entraîner dans la foi à lui faire confiance. Quand il dit dans la Bible que quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, vous appelez quoi l'homme de la mort? Quand lui il dit dans la Bible que quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Alors quand vous prenez cela, quel que pour toi, de façon individuelle, l'homme de la mort veut dire, ça veut dire clairement que tu peux tomber malade jusqu'à agoniser, aller même jusqu'à dans le coma. Jésus est toujours Seigneur. Il va te retirer de là-bas. Tu peux être malade, tomber jusqu'à ce que les gens disent que ouais, ton Dieu là, il te laisse aller. En fait, l'exemple plus près, clair dans la Bible, c'est même son propre ami. On attend que quelqu'un puisse malade, que l'ami soit compatissant vis-à-vis de lui. Lazare, qui est appelé dans la Bible son ami. Lazare ne suivait pas parmi les douze disciples, mais il était son ami, il était quelque part. Jésus partait ses disciples partout, c'était son ami. Il tombe malade, lui qui guérit partout, il le regarde comme ça, il part, il s'éloigne. Lazare était le frère de Marie-Madeleine. Oui, oui, voilà. Mais même temps, il dit que c'est un pasteur. Alors, lorsqu'il a pris la nouvelle de la maladie de Lazare, il s'est éloigné. Comment quelqu'un qui guérit, vous savez moi, comment quelqu'un qui guérit, son ami tombe malade, au lieu d'aller vers lui, il s'éloigne plutôt. Jean chapitre 11. Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'était pour la gloire de Dieu. Voilà. Allons-y seulement. C'est là le problème. Maintenant, quand nous lisons, nous comprenons que c'est la gloire de Dieu. Vous voyez? Quand nous lisons le problème, nous voyons que c'est la gloire de Dieu. Mais dans la situation, quand vous vivez la situation, vous ne pouvez pas comprendre que c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que l'homme se bat pour chercher des solutions. Et quand c'est quelque chose que Dieu a destiné, monte du sang, tu ne peux pas enlever. C'est pour ça qu'on conclut avec un chrétien qui ne peut pas tomber. Les gens conduisent que non, le chrétien ne peut pas tomber. Ce n'est pas normal qu'un chrétien tombe. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, ton corps est le temple du Saint-Esprit plus que pour Timothée. Avançons ici. Luc chapitre, Matthieu chapitre, quoi? Jean chapitre 11, que Dieu vous bénisse, vous êtes en état d'alerte. Il y avait un homme, à partir du verset 1, on y va. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec les cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, écoutez très attentivement. Nous sommes au verset 3, tout le monde y est. Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Quelle est la conséquence de, si on vous donne cette nouvelle, c'est la première chose que vous allez chercher à sortir votre ami de la cette situation, ou bien au moins lui rendre visite. Lui le crie, il dit que courage dans ta maladie. Regardons bien ce que Jésus fait. C'est pour ça que quand Dieu lui agit, même agit à travers ses invités, c'est souvent incompréhensible parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire. Verset 4, après avoir entendu cela, Jésus courut pour aller le guérir. Vous avez vu cela? Non, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Mais? Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Amen. Pardon? Donc c'est une maladie programmée par Dieu. Vous voyez ça? Vous voyez ce qu'il a dit? Il dit, cette maladie n'est point à la mort. Cette maladie, voilà ça. Mais elle est pour la gloire de Dieu. La maladie, si, est pour la gloire de Dieu. Est-ce que qu'un chrétien peut-il rester vraiment comme ça? Il a une difficulté qui passe. Il dit que je ne vais pas chercher de l'aide quelque part. Sur ma situation, doit glorifier Dieu. C'est-à-dire, Dieu va exercer sa miséricorde. Quand c'est ôté, ces choses-ci, ça doit venir de Dieu pour que son nom soit glorifié. À Pharaon, il a dit en Égypte, si vous lisez le Romain chapitre 9, il dit clairement que, car l'Écriture dit à Pharaon que j'étais suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. C'est fracassant comme vérité. Donc l'Écriture dit que quand le père de Pharaon est allé épouser le maître, la mère de Pharaon, c'est Dieu qui l'a guidé. Quand il y a eu les premiers rapports sexuels jusqu'à ce que Pharaon est rentré tombé enceinte, c'était Dieu qui l'a mis là-dedans. Quand il a grandi, fait l'école, entré dans la sorcellerie pour apprendre la sorcellerie de l'Égypte, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui l'a guidé là-dedans. Quand il finit maintenant le moment de prendre le pouvoir, c'est lui qui est élu pour prendre le pouvoir, c'est Dieu qui l'a voulu. Quand il arrive maintenant, les enfants de Dieu sont tenus captifs là-bas. Il dit à Moïse, va retirer mon peuple. Il dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Voici, je vais enduire son cœur, il ne laissera pas partir. C'est terrible. Donc Pharaon dit, qui est l'Éternel et pour que je laisse mon peuple obéisse? Il croit que c'est lui qui fait. Mais la Bible déclare, Dieu a dit, je vais enduire son cœur pour qu'il ne le fait pas. Puis, apôtre Paul explique donc, ainsi donc, il enduit qui il veut. Et il fait miséricorde à qui il veut. Cela ne dépend donc plus ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc tout ici, sur la tête, dépend de Dieu. C'est choquant. Quand on entend ça, c'est vraiment bouleversant, mais c'est la vérité. Ok, si tu dis que je suis fâché de Dieu, quitte son monde, on voit. Quitte. Tu dis que tu es fâché, tu veux gréver. Par exemple, quand les gens grèvent pour l'État, le truc contre l'État, ils ne mangent pas. Grève de la faim, non? Ok. Tu grèves, voilà le soleil dehors. Dis que je grève pour que le soleil ne sorte pas. Tu vas empêcher le soleil. Il grève pour que l'air ne circule pas, tu vas empêcher l'air de circuler. Non. Donc on court derrière le vent. Maintenant, ici, la Bible déclare, verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle, par cette maladie. Donc permettons que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans nos difficultés. Donc admettons d'abord, en tant qu'enfant de Dieu, que rien ne peut nous arriver sans la volonté de Dieu. D'abord, si à assimiler. Je sens l'insister sur le premier point, parce que c'est là où vient toute autre chose. Sinon, on va se concentrer. Sinon, la deuxième chose, c'est que l'autre communion, c'est on va vers Dieu pour que le problème soit résolu. C'est ça que j'ai dit dans la première partie. Que les gens vont maintenant vers Dieu parce qu'ils veulent que le problème soit résolu. Seigneur, ça fait longtemps que je suis dans le chômage. J'ai fréquenté avec tout le monde est parti sans moi. Pourquoi mon problème? Pourquoi? Vous me suivez? Pourquoi tu as arrêté, soeur? Pourquoi tu as arrêté? Parce que sinon c'est trop lourd. On peut avancer dès que vous serez. On est encore à la première partie. Nous sommes dans la presse 50 minutes là maintenant. Donc on ferme les. On y va? On attend, pardon. Non, attends l'autre frère. Et sous ces principes, ces petits principes-ci, n'assimilant pas ça, ça dérange beaucoup de chrétiens, y compris les pasteurs. Alors quand tu es malade, ton corps réclame la guérison, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Pas ces médecins, nous sommes guéris. Donc l'apôtre Paul ne connaissait pas cela. Donc Timothée ne connaissait pas. Et parfois qui priait et intéressait pour l'église ne connaissait pas. Trophime ne connaissait pas. L'apôtre Paul qui avait l'un des dons de guérison le plus puissant a dit que j'ai laissé Trophime à Milet malade. Trophime, c'est un disciple, il dit que je l'ai laissé le malade. Donc il a quitté l'endroit, il devait être Trophime, il le matin. Trophime dit, bonjour Trophime, oui l'apôtre Paul, comment tu vas? Il dit, c'est fort, il dit, courage, que Dieu te bénisse. Il part là-bas, il part à l'Est, il guérit les gens. Qu'est-ce que ça vous fait? Paul ne dit pas que ça, Trophime est malade à cause du fait qu'il est quoi, que ce soit, c'est un disciple. Et parfois, on dit qu'il parfois a été malade jusqu'à il est touché déjà à la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Dieu n'a pas eu pitié de lui à cause du fait qu'il soit malade. Il a eu pitié à cause de l'apôtre Paul. Parce qu'il ne voulait pas toucher l'apôtre Paul encore à bout. Vous entendez cela? Il a fait comme ça le travail de Marc ici, là, maintenant. On avance. Voilà. Maintenant, écoutez très attentivement. On avance. Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Vous entendez quelqu'un? Si vous allez dire quoi? Vous pensez que c'était son ami? C'était seulement son ami d'intérêt. Comment quelqu'un peut entendre que son ami est malade jusqu'à cet extrême-là, il joue, dit encore 2 jours. C'est ce que l'on disait aujourd'hui, non? Que je l'ai appelé, m'a même raccroché au nez. Jusqu'à ce que tu dis qu'il m'aime. Notre amitié est finie là-bas. Il sait que pour Jésus, alors c'est qu'on devait le cas qui devait l'atteindre. Que donc, toi, on entend que tu as guéri partout. On entend que tu sais seulement passer par ici manger. Quand le jour que on envoie la misère, pas que tu ne savais pas. On a envoyé te dire que ton ami, voici celui que tu aimes, est malade. Tu restes encore 2 jours. Alors que pour un monsieur là-bas, tu avais seulement dit la parole, sa fille était guérie. Pour l'autre, si tu ne dis rien, ton amitié est faux. Continue ici. Lorsqu'il eut verset 6, lorsqu'il apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu n'as tout en Judée, parce que les gens de Judée étaient terribles. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un mange pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un mange pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Il veut revenir sur ce passage de ce jour. Après ces paroles, il lui dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Vous voyez, quand ses langages sont, quand il parle dans son langage, si tu n'es pas dans ce langage-là, tu vas commencer à poser des questions comme, mais il dort. Est-ce que c'est toi qui as besoin d'être là pour le réveiller? Sinon, c'est les disciples lui disent, verset 12, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Voici encore d'autres choses qui sont fracassantes dans la Bible. Je crois que même ces principes, ça se trouve, même tous les principes, ça se trouve dans ces passages. On va voir cela maintenant. Souvenez-vous de ce qu'on est venu l'informer que Lazare est malade, il y a ça 2 jours. Il passe encore 2 jours là-bas, après 2 jours qu'il soit pour aller. Il n'y a plus personne pour lui donner le message que, en fait, il est déjà mort. Mais là, en quittant pour aller là-bas, il dit à ses disciples que Lazare est mort. Donc, en fait, il n'avait pas besoin de ces renseignements-là qu'il est malade. Donc, il savait qu'il était malade. Parce que la mort, personne ne lui a donné le renseignement, mais il sait que Lazare est mort. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, Dieu est au courant de tout ce qui nous arrive. Dans les moindres sentiers, les moindres détails, il connaît. N'est-ce pas? Amen. Alors, on continue. Et à cause, verset 15, et à cause de vous, non. Alors, Jésus l'a dit ouvertement, verset 14, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Vous y êtes? Oui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'est-ce pas? Oui. Dit aux autres disciples, allons aussi alors afin de mourir avec lui. Donc comme il nous amène là-bas, allons mourir. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Donc 2 jours, il a attendu encore 2 jours. Le gars est mort, il a encore passé le temps de marcher pour arriver là-bas. Ça fait 4 jours. Donc ça veut dire que son corps avait déjà vu la corruption. Après 4 jours, 3 jours, le nez tombe, la partie de ses yeux, les yeux pourris, ça tombe. La corruption. C'est pour ça que lui n'a pas fait 3 jours dans le tombeau. Parce que là, donc on ne veut pas voir la pourriture, la corruption. Verset suivant. Jésus étant arrivé, verset 17, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Écoutez la parole de cette femme-là. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc, quand tu es près de Jésus-Christ, tu ne peux pas mourir. Regardez ce qu'elle dit. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Waouh! Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu t'accordera. Qui lui dit des choses comme ça, ma soeur? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Jésus lui dit, si tu as la page, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marc, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. Qui a parlé du dernier jour ici? Non. Vous entendez? Il dit ton frère ressuscitera. Jésus a dit ton frère ressuscitera. Il dit oui, je comprends, je sais qu'au dernier jour il ressuscitera. Si c'est comme ça, la promesse est pour tout le monde parce que tout le monde va ressusciter. Même les méchants vont ressusciter. Vous savez ça? Tout le monde, même ceux qui ne croient pas à la résurrection, ceux qui ne croient pas en Dieu, ils vont ressusciter. Ils vont voir maintenant Dieu face à face. Dieu va leur dire comme, mais voici. Ils auront la bouche fermée là-bas. Tout le monde sans exception. Prenez quelqu'un brûlez-le, versez la poudre dans mon Cameroun, il va ressusciter. Alors, il dit ici, elle lui dit, je sais que mon frère, il ressuscitera au jugement au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Puis il pose la question, crois-tu cela? L'être qui est devant eux dit qu'il est la résurrection. Il est, pas qu'il a la résurrection. Il suffit que Jésus parle et la chose change. Qu'est-ce qui nous a amené ici? Une fois de plus, j'ai réité encore la chose. Dieu dit, dans ce psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que la vallée de l'ombre de la mort? Ça peut être pour toi qu'une maladie va te conduire jusqu'à la mort. Ça peut être que des calamités vont arriver dans ta famille. Mais la cible, c'est toi. Pour la vallée de l'ombre de la mort, tout ce que Job avait, Satan a touché. Mais la cible n'était pas ces choses-là, parce que ces choses sont vulgaires. C'était sa foi. On ciblait comme ça sa vie, la relation avec le Seigneur. Mais comme il avait une intimité solide avec le Seigneur, on ne peut pas bouger cela. Malgré les circonstances, il ne peut pas bouger avec Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens sont prêts à régner Dieu quand ils n'ont pas le travail. La preuve en est que des gens vont, ils peuvent entrer dans la corruption à cause du travail. Vous direz, les gens peuvent entrer dans la corruption, faire la corruption pour avoir le travail. Combien sont ici en Europe qui sont venus avec les faux papiers? D'autres en sont comme ça, ils ont quatre noms. Quand ils sortent comme ça, ils sortent avec un papier où ils s'appellent quoi, ça, Patrick. Quand on l'a attrapé, il dit que tu es quoi, il m'appelle Denise, avant qu'il se rende compte que c'est le papier de Patrick qu'il a sur le corps. Non. Non. D'accord. Vous voyez combien les gens sont prêts. Vous voyez combien les gens sont prêts à se compromettre pour des choses. Il dit bien, le monde, c'est normal qu'ils se compromettent comme ça. Mais je parle des enfants de Seigneur, ceux qui appellent le nom de Jésus. Ils sont comme ça. D'autres sont comme ça. Ils disent prisonniers. Je suis là pour, comme prisonnier politique. Dans son pays, on ne le connaît pas comme un politicien. On n'a rien à lui. Il a tout. Là, c'est monter le papier et toutes pièces. Pour aller montrer au commissariat de région. Ils sont venus que dans mon pays, comme je m'opposais au pouvoir, vous savez que c'est une dictature. Ils ont menacé de me tuer avec ma famille. Ils ont tué ma petite soeur. Ils prennent même l'acte de décès, mais sa soeur qui est morte dessus de malaria. Je rejoins là-bas. Que c'est eux qui ont tué. On dit que comme ça, ils disent non, non, non, il ne faut pas que tu ailles dans le pays là. On a le statut de politique. Ils mangent chaque jour. Qu'est-ce qui arrive? Ils ne croient pas en Dieu. La relation, l'intimité avec Dieu amène la confiance en toutes circonstances. La relation, l'intimité avec le Seigneur amène la confiance en toutes circonstances. Ça veut dire que si les circonstances sont noires, tu es avec Dieu. Dieu est avec toi. Si c'est bleu, Dieu est avec toi. Si c'est blanc, Dieu est avec toi. Mais quand les gens regardent devant, ils ne voient pas l'avenir. Ils regardent derrière, ils ne voient pas l'avenir. Ils disent non, il faut qu'ils viennent en Europe. Il faut que je vienne en Europe parce que c'est moi qui dois sauver ma famille. Donc tu es Jésus. C'est toi qui as accouché toute la famille. Donc, parce qu'en fait, en toile de fond, c'est surtout du fait que l'orgueil. Il faut que je puisse me chercher. Qu'on comprenne que moi, je ne suis pas n'importe qui. Ce n'est pas seulement l'enfant de tête qui part en Beng. Je dois aussi aller en Beng pour montrer que ma famille. Il faut que je sorte ma famille de la pauvreté. Donc c'est toi qui peux faire quelque chose. Vous comprenez? Alors les gens sont prêts à aller toucher avec le serpent. Entrer dans l'homosexualité pour avoir de l'argent. D'autres viennent ici comme ça, ils tuent les gens dans le silence, ils tuent les blancs, ils agressent, ils prennent de l'argent. D'autres font, apprennent, au lieu d'aller apprendre pour avoir de l'argent, ils apprennent comment frapper, comment avoir les hackers, comment entrer dans le compte de quelqu'un, dévier dans le compte. Après, comme ça, ils fuient. Quand ils viennent au pays, ils peuvent faire pour qu'on voit l'orgueil de la vie. Le plus grave, c'est qu'il y a des chrétiens dedans. Le plus grave, c'est qu'il y a des chrétiens dedans. Chouchou. Alors, ça veut dire que quoi? Notre confiance, notre relation avec le Seigneur doit nous permettre, dans les moments difficiles, de comprendre que dans ces moments ici, Dieu a son mot à dire et Dieu est en train, en effet, de parler. Amen. C'est le fait qu'on n'a pas confiance en Dieu qui fait qu'on essaie de regarder à gauche, regarde à droite, on ne voit pas de solution. On essaie de nager, même s'il faut traverser l'océan avec la nage, même quand on sait que c'est difficile. On essaie de traverser. Sinon, comment comprendre que quelqu'un va prendre 3 000 $ contribués par les pays pour traverser le Pacifique? De son pays jusqu'à pour venir en Sicile, alors qu'on vient de lui annoncer dans la nouvelle que 120 personnes sont noyées hier. Il dit que c'est eux qui sont noyés, ils n'ont pas eu de chance. Donc lui, il a la chance plus que ceux-là. Que chacun a son destin. Vous voyez, quelque chose n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas rester. La Bible déclare dans ce livre du prophète qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est ce que le prophète Habakkuk dit. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. On avance ici. Verset 25 encore, Jésus dit, lui dit, je suis la résurrection et la vie. Voici les paroles terribles de la Bible. Je suis la résurrection et la vie. Il dit qu'il est la résurrection et la vie. Quiconque vit, ou bien celui qui vit, celui qui croit en moi, qui croit en moi vivra. Vous voyez, quand même il sera mort. Vous voyez, c'est terrible. Verset 26, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quiconque vit et croit en moi, donc pendant ta vie, si tu crois en Jésus-Christ, c'est terminé, la mort n'aura plus jamais le pouvoir sur toi. Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, Dieu qui devait venir dans le monde. Qu'est-ce que c'est à voir? Vous voyez? Et elle laissait parler, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa soeur, et dit, le maître est ici, il te demande. Dès que Marie est sortie, parce que Marie était une pleureuse, mon frère, quand elle pleure, tu confirmes. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec le mari dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu, s'est levé promptement et sorti, la suivit, disant, hey, elle va au sépulcre pour y pleurer. Elle aime trop pleurer. Elle n'a pas besoin de sa tombe de son frère pour pleurer. C'est eux qui disent comme ça. Lorsque Marie fut arrivée où Jésus, où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Deux fois les personnes disent cela. Donc quand Jésus est à côté de toi, c'est l'assurance. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. Donc, même dans la vallée de l'ombre de la mort, si Jésus est là, la mort n'est pas la mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémirent en son esprit et fut ému et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit, viens et vois. Donc, Jésus dit, où l'avez-vous mis? Ça, ce sont des interrogations de la Bible qui sont terribles ici. Étant à plus de deux jours de marche de là où il se trouve, il sait que Lazare est mort. Il arrive sur le plan enterré. Il pose la question, où est-ce que vous l'avez mis? Il ne connaît pas où on l'a mis. Il connaît. Ok, allons-y, avançons. Verset 35, c'est le plus court verset de la Bible. Jean 11, verset 35, c'est le plus court verset de la... Jésus pleura. Ça, c'est terrible. Jésus pleura. Mais pourquoi à l'instant là, il pleure? Ça, c'est notre débat. Si on ouvre la maison, c'est un enseignement que nous vous conduit. Gardez seulement à l'esprit que Jésus pleura. Il a d'abord fait. Il a pleuré. Il va arriver au niveau de Jésus pleura. On va voir dans la Bible que ce n'est pas la première fois qu'il pleure. Dans l'Ancien Testament, il a pleuré. Vous savez cela maintenant. Sur quoi les Juifs disent, oh, vous voyez comment il aimait. Donc, le pleur se montre clairement qu'il aimait. C'est leur interprétation là-bas. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait ne pas, tu pas faire aussi que cet homme-ci ne mourut point. Vous voyez, dans la foule, comment les gens disent toujours les choses pour attirer les problèmes sur eux. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du monde, lui dit, Seigneur, il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il est là. Il est là. Maintenant, regardez, je vais vous dire quelque chose. Même les personnes qui vous aiment, si ce n'est pas Dieu, ces personnes qui vous aiment, même en voulant vous aimer, vont vous tuer avec l'amour qu'ils ont pour vous. Regardez ce que Marthe fait. C'est elle qui a couru tout à l'heure vers Jésus. Dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus veut ressusciter son frère. Il dit, hey, il sent déjà. Donc ça veut dire, n'ouvrez pas la pierre. Vous voyez ce qu'il a mis? Oh, qu'est-ce qu'elle a fait ici? Non, n'ouvre pas la pierre. Si Jésus dit, ah, elle sent déjà. Ok, retournons alors. Lazare serait resté dans la mort. C'est sa soeur qui pleurait tout à l'heure en sa faveur, qui amena le blocage. Puis Jésus va se tourner, verset suivant. N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous savez cela? Oh, c'est terrible. Verset 40 dit, Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 41. Ils ôtaient donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il ne dit pas que tu vas m'exaucer, que tu m'as exaucé. Il n'a pas fait de prière. Mais il dit que Dieu l'a exaucé, pas que Dieu va l'exaucer. Vous voyez la relation qu'il en est. Jésus lui dit, non, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Terrible. Et en disant cela, il cria d'une voix sort. Lazare sort! La population est là devant. Je sens d'arriver quelque part avec cela. La population est là devant. Il dit Lazare sort! Là-bas, on emballait les gens, c'était pas dans le cercueil. On finit d'embaumer. Nambar, Nambar, de la plante de pieuse que la tête. Donc, tu es blanc comme ça, Nambar, Nambar, avec les bandes. On verse maintenant les mille là-dessus, tous ces produits-là pour garder le corps, que le corps ne dépuie pas et que ça décompose rapidement. Il dit, Lazare sort, le gars sort. Qu'est-ce qu'il a réveillé? Quelqu'un qui est mort depuis 4 jours. Les yeux qui étaient percés, que dans les tombeaux mangés, déjà, ça se recompose. Le nez sort encore. Imaginez le parfum que Lazare devait sentir. Il sort. Regardez la conséquence. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crut en lui. Amen. Amen. Voilà le but pour lequel elle a laissé Lazare jusqu'à ce qu'il n'ait pas mouru. Vous avez vu, n'est-ce pas? Vous avez vu? Donc maintenant, rentrons encore en arrière. Si on avait annoncé à Lazare, à Jésus, Lazare, ton ami, est malade. Il dit, allez maintenant là-bas. Comme vous allez arriver, comme il est malade, mettez-lui la main, vous dites, oh, je t'ai guéri au nom de Jésus. Il guérit. Lazare va guérir. Ouf, il est guéri. C'est bon, non? Les gens ont devait croire. Non. Donc le nombre de personnes-ci qui ont cru pour entrer dans le royaume. Et la Bible déclare qu'il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui dépend sur la terre. Lazare était le moyen pourvu par Dieu pour pouvoir amener ceux-ci dans le royaume. Dieu a donc permis que la maladie le frappe, qu'il meure. Jésus vient le ressusciter pour qu'en voyant cela, les gens croient. Mais il ne dit pas dans le programme que ton maladie, s'il veut te tuer, attends d'abord, faisons le plan. Permets-moi de te tuer, tu meurs pour que celui-ci soit sauvé, pardon. C'est que personne n'acceptera. On va dire que choisis, pourquoi tu me choisis que moi je meurs? Moi j'ai peur de la mort, Seigneur. Choisis peut-être. Comme il dit, c'est qu'on a peur de souffrir, il frappe directement. Job dit que je suis resté, il m'a secoué. Il m'a poussé, il m'a soulevé, il m'a jeté dans la poussière. Parce qu'il fait comme ça pour qu'on le craigne, pour qu'il est souverain. Donc, tu dis, oh Seigneur, un de ces jours comme ça, ta vie est bouleversée. Comme quelqu'un reste dans la pauvreté comme ça, ta vie est bouleversée. David, le roi David, il ne cherchait pas lui la faveur. Il était dans les champs. Et quand on va toucher la communion, on va voir donc le problème du champ là. Il était derrière les brebis. Quand le lion vient, il est là pour veiller. Il veut, quand le loup fait pro, il poursuit la loup. Le loup fait pam. Dieu était en haut, il l'observait. Dans la maison, les gars, Sharma faisait les pompes. Il montait les pectoraux. Il monte les pectoraux, il pompe. Il dit, c'est à quelqu'un qui doit jouer ici en Afrique. Hey! C'est moi, gars, tu vois comment je suis colosse. Mince, il porte les fers, il est gigantesque. Quand le roi Samuel, quand le prophète Samuel vient, Dieu dit, va ouvrir pour moi dans le fils d'Isaïe. Il vient. Il voit, Durand entre comme ça avec le gros bras. Il dit, merde, c'est lui. Dieu dit, non, c'est pas lui. Je l'ai rejeté. Dieu ne dit pas que je ne l'ai pas choisi. Il dit, je l'ai rejeté. Sans choisir quelqu'un, on le rejette. Vous suivez cela? Quand il a fini par dépasser tous les 7 qui étaient là-bas, après c'est tout. Il dit, mince. Tout partout. Il veut se lever. Dieu dit, c'est pas lui. Il dit, mince. C'est tous tes fils. Il dit, non, il y a un petit, un maigrichon là. C'est lui que Dieu a choisi. Il choisit les choses viles du monde. Des choses qu'on ne considère pas. Pour confondre les sages. Il dit, allez le faire appeler parce que c'est lui que tu as choisi. Il vient, c'est comment? On voit tous les colosses là-bas. Un maigrichon de moins de 17 ans sort là-bas. Oui, oui, tonton prophète, c'est quoi? Il dit, Dieu t'a choisi roi d'Israël. Dieu t'a choisi roi d'Israël. Oui, le gars, c'est sûr que le prophète s'est confondu. Mais le gars est colosse ici, roi d'Israël. Parce que les techniques que ceux-ci ont appris, ce n'est pas Dieu qui leur a appris cela. D'accord. Ils ont appris ça des hommes. Celui-ci était dans la nature, Dieu l'a formé selon ses méthodes. Amen. Vous comprenez cela? Ouais. Ok. Toute difficulté qu'il a fait face là-bas, il a assimilé les choses de Dieu. Alors quand Israël sera dans la difficulté avec Goliath, un colosse comme eux, musclé comme eux, ils ne pouvaient pas faire face parce que leur colossalité n'était pas la colossalité de Dieu. Alors quand il arrive là-bas, même Saul, qui était le plus jeune d'Israël, a senti que le colosse qui est devant moi, il ne peut pas battre. Quand David s'est pointé là-bas, lui ne voyait pas la difficulté parce qu'il savait très bien que quand tu avais Dieu, la difficulté, toute difficulté qui est devant toi est une victoire. Amen. C'est tourné là-bas. Goliath s'est avancé. Il dit que ça fait 40 jours, je vous lance le défi. Trouvez quelqu'un en Israël, s'il me bat, nous nous soumettons à vous. Vous êtes des chiens. Il s'est tourné, mais qui ose ainsi insulter la main du Dieu vivant? Il se tourne, il est gigantesque en haut, là-bas, plus de 3 mètres. Il ne regarde pas cette terre-là. C'est un petit maigrichon qui est en bas. Il dit, celui-ci, il dit, mais qu'est-ce qu'on va donner à quelqu'un qui va traiter cette inconscience qui est opérée contre Dieu? Il dit, mon ami, ses propres frères qui sont colosses, qui sont des armées, il dit que nous connaissons ta malice. Il dit, viens comme ça pour nous regarder comment on fait dans le combat. Il s'est détourné, il a levé le roi. Le roi a porté les muscles, les gilets pas lui donner, le grand. C'était trop lourd. Il a commencé, on s'est dit, tiens. Remarquez bien ce qu'il dit, je ne suis pas accoutumé. C'est pas ma technique. On m'a pas appris avec ce que je ne suis pas accoutumé. Vous voyez? Donc il a appris de Dieu. Et si l'homme veut lui donner ses propres armes, pourquoi avec ces armes-là, eux-mêmes ne sont pas allés combattre? C'est fort. Il allait avec les armes que Dieu lui a montrées. Le garçon est venu avec les javelots, tout ça, grand. Il a pris ses gibeciers, il a mis ses 5 caillots. 5. Le chiffre de la grâce. Il a pris 5 caillots, il a mis là-bas, pomme avec la fronde du Saint-Esprit. Il veut te montrer, maintenant, il te montrer qu'on ne parle pas aux chrétiens comme ça aujourd'hui. Que celui qui est rempli du Saint-Esprit, on ne parle pas contre l'homme. Que nous avons les armes offensives et défensives. Que les 5 dons ministériels sont donnés pour terrasser Satan. Et au nom de Jésus, viens devant les toits. Au nom de Jésus, n'a pas. Le Saint-Esprit a pris ce caillou-là. Plongé droit dans la tête. Le gigantesque est tombé. La Bible déclare, chaque fois qu'ils allaient en combat avec le Saul, quand on dit que Saul a tué 1000, David a tué 10 000. C'était son nom qui était glorifié. Quand il tape 1, David tape 100. Il dit, merde. La Bible déclare que quand il passait, on ne regardait plus le roi, c'est lui qu'on regardait. 17 ans. Où est-ce qu'il a appris la technique de guerre? Le Saint-Esprit était avec lui parce qu'il a formé selon ses desseins. Vous voyez cela, c'est l'année. Donc Dieu peut laisser quelqu'un passer jusqu'à la mort. Voici les preuves ici, claires, son ami. Il est malade, il le laisse mourir. Alors quand quelque chose arrive, rejette ça au nom de Jésus-Christ. Chasse cette maladie, la chasse cette maladie. Oh, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Si vous voulez aller prêcher le pasteur, allez-y. Mais Dieu est Dieu. Vous allez prier Dieu pour chasser Dieu au nom de Jésus. Ça ne marchera pas. Amen. Amen. Philippiens. Ah là là, c'est fort. C'est fort. Nous sommes encore au premier point, je ne suis pas encore avancé. Philippiens, avançons là. Donc, première chose encore, premier principe. Admettre que Dieu est l'auteur. Je perds bien mes mots. Que Dieu est l'auteur de tout ce qui peut vous arriver, soit bien, comme mal. Si on assimile ça, ça va avancer. Vous y êtes. Philippiens chapitre 2. On y va, bien aimé. Verset 25 et suivant. Verset 25 et suivant. J'ai estimé, vous y êtes, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvu à mes besoins. Car il désirait vous voir tous. Et il était fort en peine de ce que vous avez appris. Vous avez appris. Sa maladie. Verset 27. Il a été malade. En effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui, mais aussi de moi. Afin que je n'eusse pas tristesse. C'est l'apôtre Paul qui écrit ça. Mais les chrétiens de sont plus sages que l'apôtre Paul. On dit que non. Si, comme tu es pasteur, ta femme peut être malade, toi, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et le but de ça, le Saint-Esprit habité dans l'apôtre Paul. Il y a quelqu'un, c'est son compagnon d'œuvre et de combat. Il dit qu'il a été malade, même prêt jusqu'à la mort. Dieu a eu pitié de lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ont la révélation aujourd'hui que la maladie n'est pas restée. Ils font comme ça, là, ils meurent le Christ, quand il y a même le pasteur. Là. Ils font comme ça, ils sont devenus le processus vieillissement est lancé. Ils font comme ça, quand ils sont malades, ils partent à l'hôpital tranquillement, pas derrière, ils s'injectent. Pour que les chrétiens ne savent pas qu'ils sont malades. On dit que non, il allait en visite privée, il allait en repos, alors qu'il a laissé soigner. C'est pas ça, frère. Donc, parce qu'ils veulent mentir les gens pour avoir de l'argent. C'est pour ça qu'ils veulent arriver, ils soignent leur personnalité, ils soignent leur chair. Il faut que les gens portent toujours le veste là-bas, soit propre, parce que Dieu n'aime pas la pauvreté. Frère, la pauvreté est dans mon mental. Si tu commences à t'habiller comme ça, comme un clochard, comment Dieu va te bénir? Donc, Jean-Baptiste était un clochard. L'apôtre Pierre était un clochard quand il a dit que l'or et l'argent, je n'ai pas. Mais ce que j'ai au nom de Jésus, je te donne. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Donc faisons attention, d'accord? Ceci étant enseigné, si chez Désir là-bas, toute la Bible, ça parle. Dans le premier point, on doit admettre que tout ce qui arrive, soit le bien, soit le mal, c'est selon la volonté de Dieu. Et la plus grande chose, c'est que cette volonté-là, il y a quelque chose derrière que Dieu a donné chercher. Et par conséquent, on ne devrait pas chercher Dieu pour voir. Pour que la problème soit résolue, mais pour voir ce que Dieu a dit et a fait d'après cette volonté-là. D'accord? Donc, nous ne devons pas chercher Dieu pour savoir que, oh Seigneur, ôte-moi de cela, ôte-moi de cela, ôte ces choses de moi. Nous ne devons pas se coucou, c'est pas bon. On peut avancer. On peut avancer. Deuxième chose, je crois qu'on va prendre une troisième partie. On ne peut pas suivre ça jusqu'à la fin. Premier point, qu'est-ce que j'ai dit? Premier point, qu'est-ce qu'il a dit? Admettre que Dieu est le Seigneur de toutes choses. Oui. Qui nous arrive en bien ou en mal. Voilà. Il commence encore à admettre, ça ne veut pas dire que, est-ce que tu sais que Dieu est le Dieu de toutes choses? Ça doit pénétrer là. Oui, bien sûr. Ça doit pénétrer ici. Quand ça pénètre ici, n'importe quoi t'arrive. C'est pour cela que la Bible dit justement qu'on rende grâce à Dieu pour toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Donc Dieu veut que, même si n'importe quoi t'arrive, tu dis, Seigneur, je te rends grâce pour ce qui arrive. Quand quelqu'un avait échoué un jour, elle est venue à l'assemblée, elle dit que frère, je voulais dire que je n'ai pas eu mon examen. J'ai dit, tu as remercié le Seigneur. Il a ouvert les yeux, le docteur avait regardé que j'ai remercié, c'est parce qu'il a échoué. Et oui, tu dois dire, Seigneur, merci, comme j'ai échoué cet examen. Il dit, pardon, merci Seigneur, comme j'ai échoué cet examen. C'est quel genre d'évangile tu prêches comme ça, frère Junior? C'est la Bible. Parce qu'il a dit que remercier Dieu en toute chose. Toute chose, ça ne veut pas dire que le bien. Ça dit soit le mal, soit le bien. Alors maintenant, tu dis, non, non, non, il ne peut pas remercier. Alors le Seigneur te montre que si tu passais ton examen, ton voisin devait être mécontent, il devait aller chez le marabout, on devait te faire l'accident le jour où tu partais célébrer ta victoire et tu devais mourir. Là, tu dis quoi? Tu dis, Seigneur, merci de m'avoir fait échouer l'examen. Mais comme Dieu est Dieu, il ne veut pas te dire pourquoi il a fait que tu échoues. Il fait que tu échoues seulement, tu restes tranquille. Les voies de Dieu sont insondables. Il te fait échouer tout simplement. Donc l'échec n'est pas un signe de ta non-appartenance à Dieu, ni ton signe, ni un signe pour montrer que Dieu n'a pas en approbation avec toi. D'accord? Ce n'est pas toujours ça. L'échec peut être un moment, un signe de Dieu pour dire pause le temps qui est déjà avec toi. Vous suivez? Deuxième point. Bien sûr. Sois prêt à rompre toute désobéissance. C'est le deuxième point. C'est le deuxième point. Il faut être prêt à rompre toute désobéissance et être totalement soumis à la vôtre, au commandement de Dieu. Mmh. Il ne sait pas comment ces choses peuvent être dans la Bible. On essaie de chercher le midi à 14h pour que Dieu nous exauce. Non. Il faut que ces choses soient vues en profondeur. Et à être prêt. Et être prêt à obéir au commandement de Dieu. Totalement soumis, c'est ça. Totalement soumis au commandement du Seigneur. Toute personne, vous allez voir, avoir cette relation dans la Bible, était totalement soumise à Dieu. On avance. Je vais expliquer, vous expliquer les deux volets. Il faut d'abord laissez-le. Il s'accoule. Oui, laissez-le. Viens. Allez, viens. Comment t'entends? Il est là, grand, il s'essuie lui-même. Alors, lorsque nous voulons affronter Dieu, il faut qu'on comprenne que Dieu ne fonctionne point sans l'obéissance. Mm. Il dit dans la Bible, vous avez noté le psaume 50 et 51, dès le départ ici. Non. Et vous avez pas donné cela? Non. Notez le psaume 50 et 51, on passe balader, on va voir quelque chose. Psaume 50 et 51. Psaume 50 et 51. C'est quoi, mon frère? Non, c'est ça te pénètre. C'est intéressant. Vous y êtes avec moi? Regardez bien. Regardez le verset 5. Oh là, faites vite. Il est 13h là. Faites vite pour qu'on voit ces choses-ci. C'est merveilleux. Il doit avoir au moins 9 ou 10 points de ces choses-ci. Au moins 9 ou 10 points. Remarquez que je suis pas en train de lire. Je dois me tenir ici. Il doit dire ce qu'il a dit. Verset 7. Verset 5 déjà, regardez le verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Nous croyons, nous voyons clairement qu'il parle des chrétiens ici. Rassemblez-moi avec moi. Donc, Jésus demande qu'on rassemble les gens qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice. Quel sacrifice? Le sacrifice de Christ. Donc, rassemble-moi les chrétiens. Qu'est-ce que Dieu veut le dire? Regardez. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple et je parlerai. Vous voulez écouter? Non. Israël, et je t'avertirai. Vous y êtes? Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Vous devez écouter. Tes holocaustes sont constamment devant moi, donc tous les biens que tu fais, c'est devant lui. Je ne prendrai pas de taureaux dans ta maison. Donc ne crois pas qu'il va venir prendre tes dîmes, quoi que vous devez, comme les gens disent que non, donne à Dieu que Dieu mange. Ni de bœufs dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi. C'est évident, pas vrai? Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meurt dans les champs m'appartient. Puis Dieu dit, si j'avais faim, je ne te dirais pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Amen. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Les chrétiens aujourd'hui disent oui. Quand tu donneras l'autel, c'est à Dieu qui boit. Puis Dieu dit ceci. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Puis il dit quoi? Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Je crois que c'est un peu plus clair ici. Vous avez vu ça? Il peut parler là 2 heures encore maintenant. Il y a de quoi parler maintenant là 2 heures. Donc Dieu veut qu'on reste. Remarquez, tu as bien dit que. Il dit que tu accomplis tes vœux. Que tu lui rendes grâce. Regarde ce que nous avons dit dans la première partie. Il dit que offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Actions de grâce, ça veut dire que tu remercies le Seigneur. Pas que j'ai fait le mets d'actions de grâce en mémoire de mon père. Ce n'est pas ça dont Dieu parle. C'est la sorcellerie là-bas. C'est-à-dire que mon père est mort, ma mère est morte, j'ai appelé le culte d'actions de grâce. J'ai payé 25 000 fois au prêtre, le prêtre m'a fait. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Les actions de grâce qui dit ici, c'est les fruits que le Seigneur merci. Sois reconnaissant au Seigneur. Quand tu sors pour aller au travail le matin, au Seigneur. Beaucoup sont comme ça tombés aujourd'hui, mais tu m'as relevé parmi les vivants pour qu'ils partent au travail. Je te remercie, Père de gloire, pour cette journée-ci. Dieu aime cela. Quand tu rentres le soir, tu dis, oh Seigneur, tu as permis que je puisse sortir, puisse rentrer, et que je revienne ce soir-ci. Ce n'est pas ta grâce. Ce n'est pas ce que Dieu demande. C'est pas ce qu'il demande. Vous voyez? Il dit qu'il ne demande pas que tu prennes que je peux lui donner, parce que tout ça lui appartient. Il veut seulement que tu sois reconnaissant. Reconnaissant que ce n'est pas parce que tu as trop fréquenté que tu as eu du travail. Ce n'est pas parce que tu es trop belle que tu as trouvé un bon mari. Ce n'est pas parce que tu es trop travaillé qu'on t'a encore récompensé. Non. Il y a des gens qui travaillent plus que toi, ils n'ont pas de récompense. Des gens qui ont fréquenté plus que toi, qui ne trouvent pas de travail. Donc il faut être reconnaissant. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Chapitre 51. Je vais bluffer là-dessus rapidement. Non, regardez le verset 23 de ce même livre-là. Verset 22 et 23, regardez. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Amen. Vous avez entendu ça? Amen. Il dit, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Celui qui veille sur sa voie. Cessez toute désobéissance maintenant et se soumettre totalement au commandement de Dieu. Ça me tire. On avance là. Chapitre 51. Verset 17 à 21. Regardez. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices sont agréables à Dieu. C'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Donc Dieu veut quelqu'un qui a le cœur brisé, pas les orgueilleux. Seigneur, tu ne me donnes pas. Et c'est justement ça qu'on enseigne aux chrétiens. Je suis Dieu. Je suis un Dieu. Je suis le roi. Oh, bien-aimé, il faut savoir quelle est ta postérité. Si tu ne sais pas que tu es un Dieu. Hey, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Hey, je suis un Dieu. Je suis un roi. Un roi marche comme ça. Sois galant dans ta demande pour savoir que tu es un Dieu. Lui marchait sur la terre. On disait de lui que c'est un clochard. On a commencé par déclarer que sa carte dentée s'écrit PND. Que son papa n'a pas été déclaré, on ne sait pas qui est son vrai père. L'un dit que c'est son voisin, l'autre dit que c'est pas le mari. Lui-même dit qu'il ne sait pas que c'est son père, le Dieu du ciel. Voilà comment on le savait. Après, on a appelé que c'est un charpentier. La Bible déclare de lui qu'il n'avait ni regard, ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Semblable à ce dont on détourne le visage. Un lettique au sens propre. Mais c'est lui qui a porté nos péchés. Aujourd'hui, les chrétiens ont compris que la veste, c'est seulement pour les chrétiens. Il porte, il fait aïe aïe aïe aïe aïe. La Bible déclare ici que il désire celui qui a l'esprit contrit, le cœur brisé. Lui, sur la sermon sur la montagne, il est heureux dans ceux-là donc qui sont pauvres en esprit, parce que le royaume de Dieu est à eux. Les chrétiens d'aujourd'hui, entre guillemets, disent qu'ils sont pleins de l'esprit. Aïe aïe aïe. Il est sous de l'esprit bien-aimé. Aïe aïe aïe. Il finit de faire son spectacle, il prend votre argent, il part. La Bible déclare qu'il veut les gens qui ont le cœur brisé. Celui qui s'humilie. Dieu dit que l'humilité précède la gloire. Il dit qu'il veut le cœur brisé. Ça veut dire qu'on vient devant le Seigneur avec notre insuffisance. On admet nos faiblesses. Souvenez-vous, j'en ai parlé de l'obéissance. D'accord? Donc, prêt à être obéissant. Parce que quoi? Les mentalités, c'est que, comme je donne à Dieu, là, j'attends qu'il me donne telle chose. Ils sont de prendre ce passage pour démontrer qu'en fait, vous ne donnez absolument rien à Dieu. Il faut plutôt qu'on fasse ce que lui a demandé qu'on fasse pour que nous soyons guéris. Il lui offre pour sacrifice à Dieu des actions, des grâces et accomplir tes vœux. Donc, si il veut faire quelque chose, fais-le. Quand tu as accompli, quand tu remercies le Seigneur constamment dans tout ce qui t'arrive, et puis quand tu dis, je vais faire telle chose, et tu fais, Dieu dit, alors invoque-moi au jour de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Parce que tu as le langage, tu sais que quand Dieu te délivre, c'est Dieu qui m'a fait cela. Celui qui ne donne pas des actions de grâce constamment à Dieu, quand quelque chose arrive, il dit, je trouve que c'est normal. Tu attends quelqu'un dit que je me suis battu pour avoir le travail ici. Mm-hmm. On était 60, j'étais le premier. Et il croit qu'il est trop fort. Tu es plus fort que qui sur la terre. Vous entendez cela? Les gens dont nous parlons, nous utilisons leurs moyens maintenant, les gens comme les Amber et toutes les autres personnes là qui ont découvert de grandes choses, sinon même pas jouir des choses qu'ils ont découvert. Aujourd'hui, nous utilisons ça partout dans le monde entier. L'électricité que nous utilisons, l'avion que nous utilisons, les personnes qui ont fait ça, ils ont fait des accidents, cassé les bras pour pouvoir découvrir cela. Maintenant, nous voyageons maintenant tranquillement à la suite de ce qu'ils ont fait comme connaissance. Pas vrai? Alors, ça veut dire que quoi? Si tu es fort, il y a un plus fort que toi. Si tu es excellent dans ce domaine, il y a plus excellent que toi dans ce même domaine-là. Ça veut dire quoi? Tu ne tiens pas le monopole de la sagesse. Pas le monopole des richesses. Tu veux goûter à n'importe quelle gloire, Salomon l'a fait, il a appelé tout ça vanité. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on se rabaisse. On dit merci à Dieu pour. S'il nous donne un peu, disons merci Seigneur. Cela dit que à celui il dit que si tu es infidèle dans ce qui est petit, tu te donneras les grands. Donc, si Dieu te dit, il t'a donné maintenant le souffle de vie pour aujourd'hui, dis quand même merci pour cela. Parce qu'en réalité, si vous refusez de voir Dieu, le miracle de Dieu dans votre vie, sachez que vous-même déjà, c'est un miracle. Vous êtes un miracle. Donc, je ne vois pas la main de Dieu dans ma vie. Comment tu fais pour ne pas voir la main de Dieu? Comment tu fais pour ne pas voir la main de Dieu alors que t'es levé, c'est un miracle. T'es levé seulement, c'est un miracle. Tu ne sais pas quand tu dors, tu ne sais pas quand tu te réveilles. Dans cet intervalle, tout peut t'arriver. Il y a des gens qui ont dormi, s'est levé, on dit clairement que le cancer est sorti sur ton bras. Comment ça a fait pour ce moment-là? Tu vois, les tumeurs sont sorties. Et toi, tu te lèves, tu dors, tu dis que je suis trop fort. La nuit, je me suis battu avec les démons. Tu t'es battu avec les démons. Que je dis non, je suis très fort, c'est le gars, il ne peut pas m'atteindre. Le sorcier là, jusqu'à l'autre soir, le matin, il prend la machette pour aller taper comme il y a une. Je ne sais pas où, dans quel pays il était là, quelqu'un a dit quand il rêvait, il s'est levé, il a pris la. On était où là? C'est en France. Et c'est une maman qui disait qu'elle rêvait comment on couchait dans la nuit avec elle. Et c'était sa la femme ou ses corps. Elle se lève comme ça dans la nuit, elle prend le pilon, elle n'a pas tapé sur cette maman là qu'il a fait. Elle tape sur le lit, tape que tu ne couches plus avec moi. La guerre de l'esprit est devenue la guerre de la chair. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Qu'il n'est pas là pour nos biens matériels. Parce que tous les biens lui appartiennent. Il veut seulement qu'on soit reconnaissant pour tout ce qu'il est. Dieu a fait le temps que chacun a une destinée. Chacun a une destinée. Et on ne peut pas commencer à se comparer à d'autres. Ouais, pourquoi lui, il a l'argent, pas l'argent? Il faut que je m'enrichisse. Il est venu, le but. À toi, on peut donner 2 milliards. Et moi, un faible comme moi, vous me donnez l'argent, ça va, ça va me finir. Parce que je ne sais pas comment maîtriser cela. Donc la seule chose à faire, c'est de me débarrasser de ça rapidement. Il y a des gens que quand tu donnes même 5 francs, tu peux tourner 8 ans, tu viens sur le même 5 francs, sans le sait même. Parce qu'il sait comment gérer. Moi, j'ai l'argent de me mettre avant de sortir, c'est qu'il me balance ça partout, parce que ça me fait des problèmes, ça me fait des problèmes. Alors quelqu'un, tu vois quelqu'un, il manipule l'argent, tu cours derrière, que moi je manipule l'argent, comme lui, c'est ça qui te donne la mort. Donc tu as donné la grâce à chacun de pouvoir gérer sa chose comme elle a voulu. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lui rester reconnaissant, première chose. D'accord? La désobéissance donc consiste à négliger tout ce que Dieu a dit au profit des choses que les hommes ont dit, principalement. Il y a des gens donc qui aimeraient que le pasteur prie pour lui. Il dit ce que Dieu a dit. Vous entendez? Pasteur, donne-moi le psaume pour les persécutions. Donc quand il est persécuté, il dit pasteur, donne-moi le psaume pour les persécutions. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a conçu maintenant des livres, on dit que tout sur les psaumes. On classe les psaumes par difficulté. Vous êtes persécuté, voici la liste. Vous avez des malades, voici la liste. Vous dormez sans dormir, voici la liste. Après, on vend cela maintenant, c'est bien. Alors, quand tu as comme ça, quand tu regardes, tu te lèves en réalité, vous voyez que vous êtes préparé mentalement à vouloir fuir le problème. Tu te lèves, j'ai eu des sons, mauvais songes aujourd'hui, tu ouvres le son. Tu attends le matière, mauvais songe, tu vas chercher le son. Quand je mate à la fin de l'homme dans moi, tout ce qui est dans l'air dans moi, je le chasse. Oh, livre de prière stratégique. Je chasse, je ne brûle pas le feu du Saint-Esprit, tout ce qui est là. Ça ne changera pas. Parce que la Bible déclare que si tu obéis à Dieu, si l'ennemi vient par toi par un chemin, il rentrera par sept. C'est ce que Dieu nous a promis. Mais il faut qu'il y ait d'abord l'obéissance. Parce que quand celui qui obéit à Dieu, Dieu avec lui, si vous êtes deux, toi et Dieu, vous êtes en majorité. Parce que le plus grand, le plus puissant est de ton côté. Alors maintenant, parce qu'on a laissé Dieu, on va utiliser ses paroles pour aller combattre. Ça ne marchera pas comme ça. Ce n'est pas la suite des récitations qui fait fuir l'ennemi. Donc il faut que les gens soient entraînés à lire la parole, méditer, laisser la parole nous briser, nous nettoyer, enlever nos mauvais comportements, enlever ce qui n'est pas de Dieu, installer ce qui est de Dieu. Quand c'est installé ce qui est de Dieu, la Bible déclare, quand vous aurez Christ en vous, quand il dit quelque chose par la foi, la chose s'accomplit. Mm-hmm. Amen. Dans la troisième partie, nous allons voir la suite de la désobéissance. Et l'obéissance avec la parole et puis la soumission totale et absolue à son commandement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.